Vous êtes assez fou. Pour l'écouter. 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. On parle de thé, de cuisine avec Xavier. Et les actualités sportives de Nicolas Ducharme. Ça a pas l'air de bonne apport à la date, mais à la fin de l'émission, on les dit toutes. On les dit toutes. Assemblage requis. Bonjour, bienvenue à Assemblage requis en ce lundi 31 octobre 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Tu parles plus grave que ça. Tout le long de l'émission? Oui. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François Olivier. Oui, nous sommes les sanguinaires Assemblage requis. Les seuls survivants. Oh! Ici, à Trois-Rivières. J'aime ça. Donc, aujourd'hui, dans notre émission d'Halloween, on a plein de chroniques de richelerie. Le diable dans tous ses états à compléter. Ouais, exactement. On va parler de thé et de cuisine aussi. Avec Xavier Antoir. Oui. À 8h. Il nous a fait sa suggestion de chai citrouillé la semaine passée. Ouais. Donc, on sait pas à quoi s'attendre. Hein? On n'a aucune idée. Non, on n'a aucune idée. Sinon, à 8h30, la chronique de sport de Nicolas Ducharme. De l'écho. Écho. L'écho de Trois-Rivières. Oui. Ça va être très bon. Oui, ça va être très bon. Espérons-le. Oui, on va se passer aussi de la musique dérangeante par moment. On va essayer de faire peur musicale. Non, musicalement. Ah, non, les gens à la maison, peut-être que ça les a réveillés. Peut-être pas. Alors, on commence avec Timber. Voici l'extrait du palmarès anglophone. Ça tombe bien que ce soit dans le palmarès en ce moment, ça. C'est Woman. À 100, Blage Rocky. C'est S-A-N-G, hein, vous comprenez? Le... Oui, du sang. Oui. We'll be right back. breath of this house creaking. I'm familiar with the cold and the windows and the doors and the sound of my heart beating, beating in and out of time. And it's such a shame. Like a memory haunts me now, as if it were a dream, as if it were a dream. It's such a shame. J'essaie d'avoir l'air d'avoir une voix épeurante, mais je pense que ça fonctionne pas très bien. Ben en général, l'émission est quand même assez horrible avec ta voix. Merci Mathieu. Ouais. Toi avec tes commentaires. Merci, ouais, ça aide pas bien. Hein. Non. Mm-hmm. Hey François, je remarque quelque chose maintenant en te regardant. Vas-y, vas-y. T'as pas l'air déguisé du tout. Non, pas tout, mais j'ai une moustache. Ah, c'est vrai, tu commences le Movember... En force. En force. Tout le mois de novembre, c'est décidé. Ouais, je sais pas, en fait, là, écoute. La journée que je vais me tanner, je vais... Bah, je vais la couper. On te lâche! Non, ouais. Hey, moi, j'ai un costume. Vas-y. C'est vrai. Je te le sors. Je te le sors dans l'arrière, je l'ai caché. OK. Faut que j'enlève mes écouteurs. Wow. C'est mon beau chapeau de Noël. Regarde ça. Mon beau chapeau. Avec un spring, regarde. Regarde ça, il y a un spring. Écœurant. Un vrai spring, t'as le sort. Ça fait beau, ça fait un beau costume. Tu vas regarder ça toute ta journée? Ouais, ouais, c'est ça. C'est mon commentaire social et sur l'arrivée de Noël trop tôt avant l'Halloween. Pas pire. Ouais, ouais, ouais, mais pas tant que ça, en fait. Je sais pas, ma mère a dit qu'elle a vu un Père Noël, par exemple. Ah, OK. Mais elle pense que c'est un déguisement pour l'Halloween. Ben, c'est ça. Ben, tu vois, j'ai pris mon inspiration où, tu penses? Non, hein? c'est ça. Fait que ça se peut, mais en même temps, j'étais dans les magasins en fin de semaine. Et puis, crime, ça faisait longtemps que j'avais pas mis les pieds dans un magasin. Et puis, je me suis rendu compte que, crime, il n'y avait pas des affaires de Noël de sortie encore. Ah, bon, tant mieux. Non. D'accord. Mais c'est sûr qu'en fait, là, c'était l'Halloween. Là. C'était comme le gros rush. C'est ça. Moi, j'étais allé peut-être j'irais une semaine avant Halloween, puis là, il y avait déjà des décorations de Noël d'un bar, puis à l'autre bar, quand même. C'est pour ça que j'avais un chapeau. Où ça? À Tic-Géant. Oh, ouais. Ouais, ouais. Comme son bonheur? Les petits bas, les petits bas de Noël, puis. Tout là. C'est vraiment le fun. Toute la kit. Ouais. Ah. Hey, bon. Je vais mettre des batteries pour qu'il flash mon chapeau. Pas vrai. Sauf que je viens de réaliser que je l'ai pas lavé avant. Dégalasse. Oh. Tu viens de l'acheter? Ouais. Non, c'est pas super. Il est pas propre. Mais il était-tu emballé? Non. Non. C'est pas super que ça. Ouais. Tout le monde passe pas. Ben, je vais le garder de bord. Ouais. Puis qu'est-ce qu'il allume? Je sais pas. Je sais pas. Parce que tous les autres chapeaux, je voyais l'accès pour mettre les batteries, mais celui-là, ils ont cousu tout le tour, fait que je peux pas aller mettre les batteries. Tu peux pas? Fallait que je coupe dans le chapeau. Hey. Ouais. Wow! C'était un beau costume. La grande classe! Ouais, ouais, le grand luxe, hein. C'est, ça n'a pas coûté cher. Ouais, fait que c'est ça. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, comme on l'appelle aujourd'hui, à 100. Blage Requis. On est tellement épeurants. Si c'était pas du fond, ça aurait l'air d'une émission totalement normale. Ouais, je pense que oui. Ouais. Un jour. On aime ça. Il y a des petits chats qui crient là-dedans. Hey! C'était le petit chat! Pas très épeurant, celle-là. Non, non, non. Ouais. Pas très, très. Ouais. Puis sinon, grosse fin de semaine? Non, pas tant que non. Ça. C'est une fin de semaine de magasinage, en fait, semaine, François. Bon. Des vêtements. OK. J'ai besoin de jeans. Ça a fonctionné? Ou? Bon, ouais. Ils sont pas encore secs, mais... Fait que je porte des vieux jeans. C'est ça que tu veux savoir? Non, c'est pas mes nouveaux jeans. C'est comme ça. Toi? Non, j'ai pas... j'ai magasiné, mais en fait, c'était plus question d'aller acheter des bonbons. Là, ah, c'est vrai. Pour l'Halloween. Et puis, j'ai acheté des bonbons que j'aime. Donc, si je pognais avec, ben, je vais manger. C'est ça. Oups, j'ai oublié d'allumer la lumière en avant du perron. Non, non. Moi, je vais acheter mes bonbons, évidemment, demain. 1er novembre. Bon, ouais. C'est la date pas mal pour nous. Là. Ouais. Ouais. Ça a l'air vraiment, vraiment horrible ce qui se fait faire, le gars, derrière. C'est louche, en dessous. Ouais, mais en tout cas, nous autres, on le voit pas. Non. Parce qu'on est, dans le studio. On se ferme les yeux. On se ferme les yeux. On veut pas voir ces affaires-là. C'est des atrocités. Non. Pas pour nous autres. On va continuer l'émission avec... Ah tiens, c'est le moment d'accueillir presque en direct dans nos studios, en direct de là, 4-5 ans à peine. Régis Solry. Oui. Avec sa chronique Le Diable dans tous ses états. On était rendu à la capsule numéro 8. Alors la voici à l'instant. Et voici maintenant la série Le Diable dans tous ses états, présentée par M. Régis Solry. Origine de la très sainte Inquisition. L'Inquisition, et des peintres comme Velázquez ou Goya n'y sont pas étrangers, s'est gravée dans la mémoire collective sous la forme de tribunaux moyenâgeux chargés de juger les hérétiques, tout spécialement les sorcières, et de leur faire expier leurs fautes sur le bûcher. En réalité, l'Inquisition n'est pas apparue soudainement au Moyen-Âge, elle plante en fait ses racines jusqu'au début du premier millénaire. Quant à sa vocation première, elle ne vise pas les pauvres jeteuses de sorts, mais les dissidences qui apparaissent au sein même des congrégations religieuses. L'Inquisition est donc initialement une police interne à l'Église. La nuit du 28 octobre 312, veille de bataille, l'empereur Constantin fait un songe dans lequel un ange lui ordonne de marquer d'un symbole chrétien le bouclier de ses soldats. Et le lendemain, après sa victoire miraculeuse sur son rival Maxence au pont de Milvius, il se convertit au christianisme. Dès l'année suivante, il décide d'officialiser le christianisme qui devient ainsi la religion d'État dans toutes les provinces romaines. Gouvernement et religion constituent alors un bloc que l'on appelle la théologie de l'Empire chrétien, et toute autre revendication religieuse portant atteinte à ce bloc va devoir être combattue. Le donatisme, fondé par l'évêque Donat dans les provinces d'Afrique du Nord, dénonce le sacrement du baptême et remet en cause l'unicité de l'Église. Il est donc condamné par les conciles d'Arles en 314 et de Carthage en 348. L'arianisme, véhiculé par Arius d'Alexandrie, critique le dogme trinitaire en affirmant que Jésus n'est ni éternel ni égal à Dieu le Père. Le concile œcuménique de Nicée, convoqué en 325, permet de ramener Arius à une relative soumission à l'orthodoxie. Les successeurs de Constantin, à l'exception de Julien l'Apostat, vont dans le même sens. Le code de Théodose II, édicté de 435 à 438, renferme une soixantaine de lois contre les hérétiques. La chute de l'Empire romain, puis l'éclatement du pouvoir politique carolingien, génèrent vers l'an 1000 une remise en cause du clergé, qui pratique tant le nicolaïsme, c'est-à-dire des mœurs relâchées, que la simonie ou commercialisation des charges ecclésiastiques. Le pape Grégoire VII tente d'organiser une restauration spirituelle de l'Église mais les dissidences se multiplient, entre autres, au travers du phénomène cathare. La machine répressive commence à prendre forme. En 1163, le pape Alexandre III ordonne l'excommunication et l'incarcération des hérétiques, et le quatrième concile de Latran en 1215 met sur pied une procédure criminelle à leur encontre. En 1233, le moine prédicateur Conrad de Marbourg, envoyé par Grégoire IX en Rhénanie pour traquer les dissidents, est assassiné par un franciscain. C'est dorénavant par une main de fer que le Saint-Siège veut étouffer l'hérésie. En avril 1233, la bulle Ille Humani Generis du pape Grégoire IX consacre officiellement la naissance de l'Inquisition, tribunal chargé spécialement de la lutte contre les hérésies. Deux tribunaux fixes sont installés, à Toulouse et à Carcassonne, début d'une longue série qui va, pendant des siècles, semer la terreur et constituer, à n'en pas douter, une des malheureusement nombreuses hontes de l'humanité. Venez d'entendre une capsule de la série « Le diable dans tous ses états », présentée par M. Régis Ollery. C'était la capsule 8 de 14, il y aura la 9e tantôt, et il en parlait il y a quelques secondes, là, d'une bulle, là. La bulle Sumis Desiderantes Affectibus du pape quelque chose. Là. On en parlera tantôt dans la 9e capsule, mais pour l'instant... Miaou! Hey, c'était peur, ça? Je le sais bien. C'est un beau petit chat, là. C'est des chats noirs, ils se font triper. Je pense. Par une vieille folle. Probablement. Une sorcière. Ouais. C'est ça, transitionnons d'une façon extrêmement subtile, là, comme on aime le faire dans une émission spéciale comme celle-là, d'Halloween, mettons. On va aller partir notre citrouille. C'est quoi dans le conte, la citrouille? Une citrouille qui se transforme en carrosse. En carrosse, c'est ça. Donc, gars qui aime les carrosses, mettons, voici Kiwan en cavale. Bonjour Kiwan. Bonjour Kiwan. Bonjour, ça va bien? Ah, j'oublie de prendre ma voix grave. Il aime ça quand je la prends, ma voix d'outre-tombe. 11e édition. Donc Kiwan, bonjour, en direct de l'Alberta, pour ta chronique sur l'actualité musicale canadienne. Avant de parler de ça, parlons de Movember. Tu me demandais dans ton courriel si on participait à ça. Ben oui, c'est ça. Je sais que vous l'aviez fait l'année passée. Vous étiez assez actif, même du côté Movember. Vous avez recruté beaucoup de gens. Oui. Je me demandais juste si on allait avoir de beaux panaches cette année dans vos visages. François, je sais qu'il il commence. Je sais pas. Ben là, je l'ai présentement, mais je sais pas. Là, bonne question, toi, Kiwan. Est-ce que tu... Moi, oui. En fait, oui? Ici, avec tous les enseignants masculins de l'école où ma copine travaille, il y a un petit mouvement là, qui s'est créé. Fait qu'on va... On va laisser pousser la stache cette année. La stache! On aime ça. Ouais, donc Movember, moi en tout cas, je sais pas, je me suis rasé hier et je sais qu'on est supposé arrêter de se raser le 1er novembre, c'est ça? Ouais, t'as encore. Ouais. Tu pourrais te raser encore aujourd'hui. J'aurais là le droit, mettons. Ouais, là, je sais que Kiwan a mis des règles bien bien précises. J'imagine que ça vient d'une source quelconque, là, que j'ai pas le droit de me faire pousser autre chose que juste la moustache. Là. Non, mais c'est parce qu'il faut que ça s'appelle une moustache quand même. C'est parce que j'ai une moustache quand même. Oui, mais à ce niveau-là, moi, j'en ai une à l'année, puisque j'ai pas de la barbe d'habitude. Non, mais il y en a qui se gardent juste le bas, tu sais. Si t'as le haut à l'allée longue, oui, t'as une moustache. Moi, je considérais que t'as une moustache. Ah, regarde. Oh, mais de toute façon, c'est une question de style, mais tu sais, c'est comme tu veux, là. Tu sais, si tu veux avoir l'air de quelqu'un qui fait semblant de porter la moustache, c'est comme tu veux, là. Quelqu'un qui s'assume pas, là. C'est ça. Ah, je verrai. Sinon, autre que Movember, il faut parler un petit peu de la disque qui avait lieu hier. Oui, bien ça, je me demandais si vous aviez écouté la disque hier. C'était le gala annuel de la disque que je pense de moins en moins de gens écoutent. Là. En tout cas, moi, je l'écoute avec de moins en moins d'intérêt à chaque année. Ça, puis les masques ensemble. Excuse-moi. Les masques, ben, ça dépend si on est fan de théâtre. Oui, mais il y en a-tu beaucoup? Ah, OK. C'est plus ça que je voulais dire. Ah, OK, les masques d'Halloween, tu veux dire. Ah oui, c'est ça, je voulais dire. C'était pas une insulte du tout, là. C'était par rapport au masque d'Halloween. Non, mais la disque, je sais pas, moi j'ai l'impression, je l'ai pas écouté premièrement, parce que je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas pour moi, on dirait. Tu sais? Non, c'est ça, ça s'adresse vraiment à un public plus général, je dirais. Là. Ouais. Kéten, peut-être un peu? non? Oui, mais quand même, il y a toujours quelques artistes qu'on connaît qui sont en nomination, mais qui gagnent finalement jamais. Il y a toujours des choses un peu incompréhensibles aussi, comme ben, en fait, aussi, je suis un petit peu loin là, de la scène québécoise, donc je sais pas juste qui est plus populaire que d'autres, mais je sais qu'entre autres, Jimmy Hunt avait 3 nominations à la disque. C'est assez surprenant, assez bizarre. Il a fait une prestation, d'ailleurs, hier. Oui, parce qu'il était dans il était parmi les révélations. Exactement. Puis généralement tous les artistes, toutes les catégories où il y a des artistes qu'on connaît, c'est jamais ceux qu'on connaît et qu'on aime qui remportent. Donc c'est jamais trop représentatif de la scène plus underground ou celle que ces fous représentent. C'est pas qu'ils puissent dire la disque qu'on encourage la relève, tu sais. Sans les faire gagner. Ils veulent surtout, je pense, éloigner les mauvais commentaires du lendemain là, dans les radios universitaires, entre autres, et ceux-là qui ne seront pas contents. Parce qu'on est tellement important pour eux autres. Oui, c'est ça. Ouais. Mais une chose dont je voulais vous parler, puisque c'est l'Halloween aujourd'hui, puis j'essayais de trouver le plus possible un thème halloweenien. J'ai entendu hier, il y a eu une... genre de révélation choc, en fait, qui a pas du tout sûrement choqué personne, là, en fait. C'est Monique Giroux, que vous connaissez peut-être, qui est animatrice à Espace Musique, à la radio de Radio-Canada, qui a amené une petite statistique qui est sortie dans vraiment plein de médias ce matin. Là, si vous faites des petites recherches sur Internet, vous allez voir, plein de gens en parlent. Mais on dit que cette année, au Québec seulement, il va y avoir 85 millions de dollars qui vont être dépensés pour l'Halloween, finalement, là, pour les décorations, les costumes et les bonbons. Voyons donc. Donc là, hier, Monique Giroux disait, si tout le monde dépensait juste un petit peu moins, donc quand même, disons, on en dépense quand même un peu, disons 60 millions, il reste 25 millions pour acheter des disques d'artistes québécois, puis là, tout le monde est content parce que, bon, on encourage la musique québécoise à la disque, donc ça fit totalement. Mais on peut tellement appliquer ça à n'importe quoi, là, c'est pas une idée de génie, là, mais tu sais, c'est tellement facile de faire le lien puis d'appliquer à tout après, tu sais, la famine en Afrique, ou... 85 millions seulement au Québec, là, c'est vraiment beaucoup de sous. Si vous appliquez ça à tout le monde occidental, ça fait sûrement des milliards, j'imagine, au bout. Là. Ouais. Donc, c'est ça. C'est juste une petite donnée amusante comme ça. 85 millions qu'on va dépenser seulement au Québec pour des cochonneries, disons-le. Oui, c'est incroyable. Non, y avait un fait dans ma chronique, c'était un fait de la semaine passée sur l'argent qui était dépensé pour les animaux de compagnie. Là. Ça n'avait aucun sens. C'est une espèce de montant... énorme aussi, je me rappelle pas c'était quoi, mais les gens déguisent leurs animaux de compagnie pour l'Halloween. Puis, ils mettent pas leur argent ailleurs, là. C'est là-dessus qu'ils mettent ça. Super. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis en même temps, c'est facile de le dire puis de faire le lien comme ça, mais c'est combien de gens vont vraiment le faire, vont vraiment dire « Ah, ben c'est vrai, je pourrais prendre un peu de cet argent-là puis le donner à ceux qui en ont besoin. Ouais. » Le pourcentage rétrécit encore plus. Moi, j'ai beaucoup de misère de dire aux gens de dire quoi faire avec leur argent. Parce ouais, que c'est sûr. J'ai me faire dire quoi faire avec l'ami. Ouais. Mais en tout cas, c'est mon point de vue, là. C'est vrai. Oui, tu as fait raison, François. Oui, c'est ça. Alors voilà. C'est ce moment inconfortable. Je vais continuer d'abord dans ma thématique Halloween et revenir un peu plus sur le thème de la musique, qu'est-ce qui nous intéresse. Le groupe Young Galaxy qui ont sorti un album qui est quand même pas récent, je crois que c'est en février dernier, donc ça va faire presque un an. Et je crois que vous en jouez d'ailleurs sur le palmarès. Oui, exactement, on est rendu, je pense que c'est au moins leur deuxième extrait. Alors voilà, ils ont sorti un vidéo cette semaine pour une pièce qui s'appelle Phantoms. Et dans le clip, évidemment, on voit des fantômes, des gens qui sont déguisés en fantômes. Donc je trouvais que c'était très Halloween comme vidéo à vous présenter aujourd'hui. Tu vas nous présenter cette vidéo pour les gens qui ont la radio haute définition. Évidemment. D'accord, donc je vais poster le lien vers la vidéo de cette pièce-là, Phantom, sur assemblagerocky.com, et puis on va aller l'entendre juste en version audio pour nous, en tout cas en studio. Ouais. On n'a pas la technologie assez fou encore. C'est le maximum qu'on peut faire. C'est ça. C'est quand même pas payé, je trouve, là. Hein, demandez-en pas trop. Bon. Et puis sinon, bon Halloween. Est-ce qu'on dit joyeuse Halloween? Je sais pas, il me semble que ça a l'air bizarre de dire joyeuse Halloween. Comme lui. Est-ce que c'est féminin ou masculin Halloween d'abord? Là? Ah, bonne question. Ouais, et je sais qu'on n'est pas supposé de mettre de H majuscule. J'ai lu dans la chronique de Sébastien Dulude qu'on va entendre demain à l'émission à Saint-Lagerie, que Halloween, selon l'Office de langue française, est la seule fête, je crois, qui ne prend pas de H majuscule, de majuscule au début du mot. Hein? Pourquoi? Bizarre, hein? Je sais pas. Intéressant. On lui demandera, Sébastien. Donc, voilà. Bon Halloween, mettons, ou mauvaise Halloween. Ben, en tout cas, bonne journée à vous, peu importe que vous soyez pour l'Halloween. Bonne semaine aussi. Puis la semaine prochaine, ça fait quelques semaines que je ne vous ai pas achalé avec Dan Mangan. Donc la semaine prochaine, je reviens avec ça. Il va être en spectacle le 4 vendredi prochain. Il est en spectacle à Calgary. Je vais aller voir ça. Donc je vous en reparle un peu lundi prochain. Merveilleux. Formidable. On se quitte avec Young Galaxy et la pièce Phantoms. Merci beaucoup, Kiwan. Merci à vous. Déguise-toi, là, et puis donne des bonbons. Ouais. Oui, puis je l'envoie des photos de moustache. OK. Parfait. Facebook, c'est là pour ça. Hein, c'est ça. Ah, pas ça, non. Non, non, non, non. Et voici maintenant la... Non, non, non, c'est le lecteur CD ici. Ah. C'est celui-là. Waouh, ça sonne beaucoup mieux. Oh, Transmission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. Tu vois, ça, c'est une voix grave. Ou assemblage requis. Lui, c'est une voix grave. Nous autres, c'est pas une voix grave. On l'a pas. Non. On l'a pas essayé. Non. On l'a pas. Bon. On l'a pas. Vous êtes toujours à assemblage requis, assassin G. C'est du sang. Du sang. Du sang quand tu saignes. Oui. Tiens, voyons là. J'ai peur. Je savais que je t'ai fait peur. Les petits minous, ils aiment pas, mais les loups, par exemple, les chiens. Oh. Ouais. Alors, on va continuer la série de régisseurerie Le Diable dans tous ses états avec la partie 9, la bulle. Bien, le chat, c'est très drôle. C'est pour ça que t'es peur, rire, soit dit en passant. J'adore ces petits chats-là. La deuxième partie, tout de suite. Et voici maintenant la série Le Diable dans tous ses états, présentée par M. Régis Ollery. La bulle Summis Desiderantes Affectibus du pape Innocent VIII. Le Saint-Père a toujours disposé de plusieurs moyens d'expression officiels, entre lesquels les brefs et les bulles. Un bref est une lettre pontificale scellée sur cire rouge de l'anneau du pêcheur, dans laquelle le pontife se nomme Papa, le pape, en précisant son nom et son rang numérique parmi les papes homonymes. Alors que dans une bulle, le pontife se nomme Servus Servorum Dei, serviteur des serviteurs de Dieu, et précise son nom sans mentionner son rang numérique. Un bref concerne les objets de moindre importance, alors qu'une bulle s'applique à un intérêt général, voire à toute la chrétienté. La répression de l'hérésie grandissante étant bien entendu d'intérêt général, c'est au travers de bulles que les souverains pontifes vont déclarer ouverte la Hexenwahn, ou chasse aux sorcières. En 1326, le pape Jean XXII, de son vrai nom Jacques Douez, énonce dans la bulle Super Illius Specula « Nous apprenons avec douleur l'iniquité de plusieurs hommes, chrétiens seulement de nom. Ils traitent avec la mort et pactisent avec l'enfer, car ils sacrifient aux démons. Ils les adorent, fabriquent et font fabriquer des images, un anneau, un miroir, une fiole ou un autre objet, dans lequel ils renferment les démons par la magie. Ils les interrogent, obtiennent des réponses, demandent du secours pour l'accomplissement de leurs désirs pervers. Cette peste prend dans le monde des développements insolites et l'envahit de plus en plus le troupeau du Christ. » En 1437, le pape Eugène IV, Gabriel Condulmer, réitère les avertissements et les menaces. Ils immolent aux démons, les adorent, attendent et reçoivent d'eux des réponses aux demandes qui leur sont adressées. Ils leur font hommage et remettent en gage un papier écrit ou n'importe quel autre objet. En revanche, d'un seul mot, d'un toucher, d'un signe, les amis de Satan peuvent envoyer ou enlever les maléfices à qui bon leur semble, guérir les maladies, exciter les tempêtes. Ils font des images pour obliger les démons à leur obéir, opèrent des maléfices en invoquant les diables, ne craignent pas d'abuser de l'Eucharistie et des éléments du baptême ou des autres sacrements, baptisent ou font baptiser des images de cire ou autres, toujours avec des invocations diaboliques. La haine de l'hérétique va alors culminer en 1484 sous la plume du pape Innocent VIII, Jean-Baptiste Cibot, qui ne brille pourtant guère au firmament des pontifes, car l'histoire le chargera de bien des reproches. Celui d'avoir des enfants dont il célébrera officiellement les noces, celui de créer cardinal un de ses neveux bâtards, celui d'amasser de l'argent en multipliant la vente des charges de curie, mais par-dessus tout, celui d'avoir définitivement organisé la chasse aux sorcières. Par sa bulle, Summis Desiderantes Affectibus, du 5 décembre 1484, il fustige les personnes, oublieuses de leur salut, déviant de la foi catholique, ceux et celles qui ne craignent plus de commettre à l'instigation de l'ennemi du genre humain les crimes les plus nombreux, d'autres excès et forfaits au péril de leurs âmes, au mépris de la majesté divine, au scandale de la foule. Dès 1484, l'Inquisition dispose ainsi d'une arme puissante qui l'autorise à jeter l'anathème où elle le désire, tel un immense orage menaçant de ses foudres toute une population. Il ne lui manque plus qu'un manuel de procédure, ce que Jacques Sprenger et Henri Institoris vont lui donner dans à peine 2 ans. Venez d'entendre une capsule de la série Le Diable dans tous ses états, présentée par M. Régis Ollery. Et comme M. Ollery disait tout à l'heure, on entendra la chronique suivante, le Malleus Maleficorum de Sprenger et Institoris, dont il parlait il y a quelques secondes, dans la chronique numéro 10 du Diable dans tous ses états. Ouais, on est vraiment pas épeurant. On est-tu épeurant un peu, non? J'espère. Non. Ouais, peut-être. Moi, tu me fais pas peur, puis je me fais pas peur moi-même. Non. Ça, c'est pour. Peut-être parce que la lumière est allumée. Ah! Faudrait la. Oh! Ah, ok. Va, lève-toi. Arrête tes écouteurs. Tu te rendras pas avec tes écouteurs. Ah oui. Excuse-toi. Ben, excuse-moi, tu l'as. OK, parfait. On a des petites lumières, genre spotlight. Ouais, éteins ça. Même pas ça? Non, non. L'écran de mon ordi est assez? Ah, c'est bien mieux, ça allume de même. Éteins ton écran de l'ordi. OK. Ouais. Hey, ça change absolument rien pour le monde à la maison, ça. Ben, en tout cas, moi, j'ai plus le port. Moi aussi, OK. On anime comme ça tout le long de l'émission. Mais, ben, parfait. Wow. Non. Non, il faut mettre nos chroniqueurs dans l'ambiance. Là, qui mettent par téléphone, ça compte pas, mais pas Xavier s'en vient tantôt. Ouais, c'est ça, mais avec Xavier, ça va être un peu plus dur dans le sens où. Il va faire des dégâts. Hein. Ouais, c'est ça, on voit pas grand-chose. Mais en tout cas, on va voir. Hein. Peut-être qu'il s'est fait mordre par un vampire, puis. il sera peut-être pas présent. Peut-être, on sait pas. Tout peut arriver aujourd'hui. Tout. Tout peut arriver tel un bloc de musique sur les zombies. Oh. Oui, tout à l'heure, on entendra Bravo Funken. Entre autres, oui, on débute avec le Martin Leduc Band, un groupe local. Oui, exactement, qui nous parle de zombies. Voici Alerte aux morts vivants. Attention, alerte aux morts vivants, et plus que jamais ils sont vivants. Ils courent les rues, les cafés, les bords, tous les yeux, pas le choix de les voir. Ils te touchent et te transforment pour vivre en couche avec des normes. Fais pipi ou que c'est pas permis, c'est criminel. Oui, oui, ben oui. Oh oui, ces quatre murs bien encastrés d'appareils qui font tout pour toi. Tu travailles plus pour t'es payé, mais c'est supposé t'opposer. De là tu regardes l'extérieur en te cherchant un mal de cœur. Rivé sur ta chaîne météo, qui sert à quoi, c'est toujours beau. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. On passe à deux pouces de se faire tuer par des pancartes écrits danger, qui sont souvent trop bien placés. Tu te pètes le nez au lieu de tomber. On a tellement peur d'avoir mal, d'être vu comme un animal, faisant nos enfants des petits cœurs devenus fragiles par manque d'erreur. Oh oui, fonctionner à l'envers, jouir et marcher de travers, travailler seulement pour manger, le reste du temps pour s'écouter, pour se garder la tête en mais même en janvier, je me fous de l'année. Fête Noël quand s'y fait noir, et ton Valentin le mardi soir. J'ai des pieds et des mains pour quand je veux me faire du bien. Avec si peu de temps en banque, faire tout ce qui existe, moi ça me manque. Au moins on est sûr qu'on s'aime bien, même si souvent on ne dit rien. Se désolant qu'on n'a pas le temps, être un humain c'est exigeant. Oh oui, Mathieu Plante, assemblage requis en pièces détachées. Bravo Funken! Zombie. Plus ou moins rapport que. Plus ou moins. L'as-tu de la pièce, hein? C'est ça. Mais il ne saura jamais que tu l'aimes. On n'est pas sur le beat pantoute, hein? Ben, c'est pas super. Si ouais. Je veux pire que ça. Ouais. C'est à cette émission aussi, tu veux dire? Non, dans les karaokés. Ah oui. Ouais. Ah oui. Oh oui. J'irai où tu iras. C'est quoi ça donc? Céline Dion, puis chaud. T'es beau, t'es tabernacle. Bon. Ça va faire. Oui, c'était peur. Ça fait peur. On est rendu à la 10e capsule de Régisserie, le diable dans tous ses états. Et voici maintenant la série Le diable dans tous ses états, présentée par M. Régis Olry. Le Malleus Maleficarum de Sprenger et Institoris. Le Malleus Maleficarum, manuel de base du chasseur de sorcières, n'était pas le premier ouvrage à décrire les procédures à suivre pour juger et se débarrasser des suppôts du démon. David d'Augsbourg avait déjà rédigé son manuel des inquisiteurs au XIIIe siècle, le célèbre Bernardo Guidoni sa Practica Inquisitionis vers 1323 et Nicolas Emmerich son Directoire des inquisiteurs vers 1376. Mais le Malleus Maleficorum, ou Marteau des sorcières, va rapidement devenir la référence incontournable des inquisiteurs, le plus célèbre traité de démonologie qui est produit le 15e siècle, la première grande somme démonologique qui ait été imprimée, selon Trevor Roper. C'est des presses de l'éditeur strasbourgeois Johann Prus que paraît en 1486 la première édition de cet ouvrage. Le succès ne se fait pas attendre et pas moins de 33 éditions témoignent, en moins de deux siècles, de l'intérêt suscité par l'ouvrage. Plusieurs de ces éditions, comme celle de Paris en 1517 ou de Francfort en 1580, sont imprimées en petit format, de manière à pouvoir être consultées pendant le déroulement des procès. Les auteurs s'appellent Jacques Sprenger et Henri Institoris. Jacques Sprenger, né à Rheinfelden à la fin des années 1430, entre chez les frères prêcheurs au grand couvent de Bâle le 25 novembre 1452. Il obtient en 1472 un doctorat de théologie à Cologne et 2 ans plus tard, il est élu gardien du tombeau d'Albert le Grand. Son initiation à la pratique inquisitoriale date de 1479 alors qu'il devient assistant de Gérard von Elten, inquisiteur de la vallée du Rhin. Nommé lui-même inquisiteur pour les églises métropolitaines de Mayence, Trèves et Cologne le 19 juin 1481, il voit ses pouvoirs élargis à Salzbourg et Brême par la bulle « Sumis desiderantes affectibus » du pape Innocent VIII. Bien qu'officiellement inquisiteur, il ne semble pas que Jacques Sprenger ait souvent pratiqué dans ce domaine. Il meurt subitement à Strasbourg vers 1495. L'autre auteur du Malleus Maleficarum, Henri Institoris, en est le principal rédacteur. De son vrai nom Heinrich Kramer, il voit le jour vers 1430 à Célestat. Prieur de l'ordre des Dominicains, il est nommé inquisiteur de Germanie supérieure en 1474, alors qu'il n'obtient son doctorat en théologie qu'en 1479 à Rome. Contrairement à Sprenger, son ardeur d'inquisiteur ne fléchit qu'à sa mort, survenue vers 1505. La première partie de l'ouvrage comporte 18 questions concernant la puissance des démons et leurs œuvres. La deuxième partie aborde également en 18 questions les moyens de préservation, la manière dont les sorciers procèdent pour jeter leurs maléfices et les remèdes permettant de s'en libérer. La troisième et dernière partie, en 38 questions, précise la manière de commencer, continuer et finir un procès de sorcellerie. La répression dispose dorénavant de tout ce dont elle a besoin. Une institution, l'Inquisition, des lettres de noblesse, la bulle Sumi desiderantes affectibus du pape Innocent VIII, un mode d'emploi, le Malleus Maleficarum de Jacques Sprenger et Henri Institoris. Il ne lui reste plus qu'à se mettre à l'œuvre. Venez d'entendre une capsule de la série « Le diable dans tous ses états » présentée par M. Régis Ollery. Et on continue à l'instant avec la 11e partie de « Du diable dans tous ses états », c'est l'Inquisition à l'œuvre. Et voici maintenant la série « Le diable dans tous ses états » présentée par M. Régis Ollery. L'Inquisition à l'œuvre. Nul ne sait combien de prétendus suppôts du démon sont passés entre les mains de l'Inquisition. Paramo estime ce nombre à plus de 100 000, ce qui ne nous semble pas impossible quand on connaît le zèle dont vont faire preuve des inquisiteurs comme Bernardo Guy, celui-là même que l'on voit à l'œuvre dans le film Le Nom de la Rose, Nicolaus Emmerich, dont le directorium est si pratique qu'il est recommandé pour tous les pays, et Bénédicte Karpzoff qui, selon ses propres dires, aurait à lui seul signé 20 000 arrêts de mort pour sorcellerie. La première étape de la procédure consiste à établir les preuves, car aussi paradoxal que cela puisse paraître, l'inquisiteur les regarde comme nécessaires et indubitables. Jean Bodin les divise en 3 catégories. La véracité du fait notoire et permanent, la confession volontaire du prévenu lors du premier interrogatoire ou audition de bouche, et la déposition de plusieurs témoins. Plusieurs investigations suivent alors. La pesée des sorcières, l'épreuve de l'eau, l'épreuve de l'ordalie et la recherche du sigillum diaboli. La pesée des sorcières tire son intérêt de la tradition selon laquelle une sorcière, échappant à la pesanteur, pèse moins lourd que la Bible, ce qui, bien entendu, ne se produit jamais. La petite ville d'Oudewater, en Hollande, va d'ailleurs se spécialiser en certificat, attestant que, le prévenu étant plus lourd que la Bible, il n'est donc pas coupable d'hérésie. L'épreuve de l'eau consiste à jeter l'accusé dans une rivière, totalement nue, le pied droit lié au poignet gauche et vice-versa, afin qu'elle ne puisse faire aucun mouvement. Si par miracle elle ne se noyait pas, cela signifiait qu'elle était rejetée par l'eau du baptême, et donc coupable. Dans le cas contraire, la question ne se posait plus, car l'accusé était innocenté, mais à titre posthume. Ce surprenant phénomène de flottaison observé chez la sorcière s'expliquait, selon Guillaume Scribonius, par une substance mal définie dont des démons invisibles entouraient le corps des accusés, ou selon Martin Del Rio, par le fait que Satan lui-même se glissait sous le corps des accusés pour les empêcher de sombrer. L'épreuve de l'ordalie consistait à faire prendre à pleine main une barre de métal rougie au feu. Si la paume, 3 jours après l'épreuve, ne portait aucune trace de brûlure, l'accusée est reconnue innocente. une variante connue sous le nom de Kettelwang consistait à plonger le bras dans l'eau bouillante. La recherche du sigillum diaboli, ou marque du diable, consiste à examiner intégralement le corps de la sorcière, au grand plaisir des inquisiteurs, comme l'a très bien représenté le peintre Clovis Trouille, pour y trouver un grain de beauté, une cicatrice, un angiome, bref, toute petite anomalie qui représenterait la signature d'un pacte diabolique. La deuxième étape comporte l'interrogatoire sous la torture. L'Inquisition veut connaître tous les détails et tous les complices. La torture relève d'une imagination sans bornes. Écrasement des chevilles entre deux planches de bois, arrachage de la langue, plomb fondu versé dans la bouche, flagellation, alcool déversé sur des plaies auxquelles on met le feu, supplice de la veglia, qui consiste à mettre l'inculpé à cheval sur un triangle de bois pointe vers le haut. La malheureuse s'empale lentement, et quand son propre poids n'y suffit plus, on rajoute du lest attaché à ses chevilles ou à ses poignets. La troisième étape est le verdict et l'exécution de la peine. Le plus souvent, la sorcière est déclarée coupable et condamnée à être brûlée vive. Dans certains cas, l'accusé peut bénéficier d'une forme de clémence, le retentum curiae, qui autorise le bourreau à abréger discrètement ses souffrances, soit en étranglant la condamnée, soit en lui perçant le cœur avec une fourche, soit en lui faisant porter une chemise soufrée qui accélère l'asphyxie. Tout cela, ne l'oublions pas, au nom d'un Dieu de bonté et de miséricorde. Venez d'entendre une capsule de la série « Le diable dans tous ses états », présentée par M. Régis Ollery. On continuera tantôt avec la chronique 12 du Diable dans ses états, la lycanthropie, dans quelques minutes, mais pour l'instant, on écoute Compter les corps. Avec vulgaire machin. Compter les corps, pas compter les morts, hein? Non, pas compter les morts. Mais pas tout de suite. Ils sont morts. À la fin de la journée. Ouais, OK. Ouais, on rappelle qu'on tue tous nos chroniqueurs à la fin de l'émission. Fait que si tu veux partir, ouais, t'as encore le temps. Hey, fallait pas leur dire à l'avance, hein? Non. Ouais. Mais c'est pas grave, je cours vite. Vous êtes ensemble à jockey. Tout seul, je veux pas mourir de honte. En petites miettes sur les seuils, compter les corps qui tombent. Je veux pas rester tout seul. Faisait mal, mais la vérité est encore pire. Les imbéciles se convertissent par millions et les escrocs gagnent du terrain. Les architectes nous dessinent une illusion et l'indifférence nous trace le chemin. Je compte les corps tombés comme des feuilles mortes sur le terrain. C'est mal, mais la vérité est encore pire. Les assassins nous dessinent une illusion et l'illusion. Sauter les corps de vulgaire machin. Assemblage requis. Assemblage requis. Faut le préciser. On aime ça, ben oui. Ça sonne bien. Ouais. C'est un G. Ça sonne pas mal pareil comme c'est l'original. Ça... Faut juste préciser que c'est un jeu de mots. Ouais. Pour l'Halloween. Ouh, l'Halloween. J'aime ça, cette ambiance-là. Hein. C'est comme tranquille. On dirait qu'on est le soir. On rappelle que les lumières sont éteintes. On a seulement un petit spot. C'est allumé. Ouais, c'est joli. D'une main, on a un thé. Et de l'autre, on a un muffin. Un muffin au jambon. Ah. Jambone. C'est de bonheur pour le jambon. Non, du tout. Du tout. Reste avec nous, la chronique Tais-toi et cuisine de Xavier s'en vient. Et l'info campus. Vous êtes assez fous pour l'écouter. Bon, retour, c'est la deuxième heure d'Assemblage requis en ce lundi 31 octobre 2011. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Et lui, c'est Mathieu Blanc. Oui, j'arrête pas de lâcher ma voix en cours de route. Wow. Faut que tu fasses attention, tu te feras manger, petit. Ce serait pas poison ce que tu me fais manger aujourd'hui? Non, y a aucune chance, j'aime pas empoisonner les gens. Parce qu'il paraît que c'est mal de tuer les gens. Parce qu'il paraît, c'est les rumeurs courtes. Je sais pas. Ouais. À chaque fois que j'ai essayé, on m'a dit non, je te conseille pas. Ok. Tu tapes sur les doigts, tu finis par apprendre. Hein? C'est ça. T'as tué quelqu'un encore, tape. Non, méchant Xavier. Descends du divan. Là, c'était bizarre. Oh, un peu, hein? Très. Là, c'était un peu bizarre. Donc, celui qu'on entend là et qui ne fait pas peur du tout, parce que là, à un moment donné, l'Halloween, c'est bien beau, mais sa chronique sera pas bien épeurante. On l'a fait la semaine passée un peu. Ouais, c'est ça. Donc, c'est la chronique Tais-toi et cuisine. Hey! T'aurais pu nous la chanter toi-même, la chanson, si on avait eu une vraie version instrumentale complètement? Ben, tu me l'avais pas proposé. Faudrait la prochaine fois. Ah ouais, c'est ça, la prochaine fois. Prochaine saison. Xavier, t'as vrai, t'es pas déguisé ce matin, je suis sûr. Si je gageais sur quelqu'un. Je porte un déguisement tout le long de l'année, tu crois que je vais encore mettre quelque chose d'autre en plus sur ma face? Ben, t'aurais pu. Moi, j'ai mon chapeau de Noël sur la tête avec un spring. Poing, poing, poing. Non? C'est vrai que je te verrais presque en train d'emballer des cadeaux avec un gros monsieur ronchon rouge à côté de toi. C'est ça. Une chance qu'il n'y a pas dit que j'étais ça, un gros monsieur. Enlève ça, cabochon. Mais non, il fait bien mon chapeau. Il va falloir mettre une photo sur Facebook, François. Bon, donc, Xavier, aujourd'hui, quel est ton sujet thématique? Aujourd'hui, on va parler des thés puères. Donc, c'est un thé qui est vraiment d'une catégorie totalement à part des autres, puisque ce n'est pas un thé qui est oxydé, comme les thés noirs, houlons, etc. Mm-hmm. C'est un thé qui a été fermenté en terre. Donc, de manière totalement traditionnelle, on les met dans des sacs de terre. Et puis, dans le fond, on les fait vieillir. C'est un petit peu comme du vin. Ah oui! On les considère un petit peu comme ça. Ou le fromage. C'est ça. Mm-hmm. Ou des champignons. Oui. Mais c'est ça, donc caractéristique du puer, c'est que ça a vraiment un goût assez terreux. C'est quelque chose, pour les personnes qui sont vraiment pas habituées, qui va être très très difficile à cerner. Ouais. Je t'en ai fait sentir un petit peu tout à l'heure justement, tu as décelé justement la petite odeur terreuse, mais crois-moi, au goût, ça se ressent aussi. C'est pas très encourageant de vouloir goûter un thé qui goûte la terre. Dans le fond... C'est parce que dans le fond, c'est, à la base, ce sont des grosses galettes qui sont directement dans la terre, dans les sacs de chambre, et tu dois casser avec un pieu. Pieu, ça fait une petite référence au vampire. J'ai pas fait exprès. Dis donc, t'as fait exprès. Non, j'ai pas fait exprès. Au moins, fais semblant. Ok, j'ai fait exprès. D'accord. Buffy contre les vampires. Ah, c'est moi, Buffy? Je suis pas assez blonde. Es-tu blonde? Sarah Michelle Gellar, elle est blonde. C'est vrai. Solide merde. Ouais. Et mais là, l'été est puère, c'est pas parce que ça pue. Hein? Non, loin de là. Il n'y a pas aucun lien avec les poires non plus. Non, aucun. tu peux très bien te faire un thé puère à la poire aussi. Ça serait bizarre. Hey, une poire à poire. Une poignée d'avoine. Ouais, est-ce que ça se vend bien, ça, l'été puant? Ben, je te dirais que celui, ben, justement, celui que tu es en train de boire, François, c'est vraiment un des très populaires au magasin. Mélange de houlong et de puère. Donc le houlong qui va accélérer le métabolisme et le puère qui va aider justement à régulariser la digestion. Ouais. Caractéristique principale du puère aussi à ce niveau-là. François va aimer ça pour ça. Hein, je vais devenir régulier. Ben, en gros, tu risques de maigrir encore. T'en as pas spécialement besoin, mais tu risques de maigrir encore. Il va partir où, hein? Oh mon Dieu. Ne sors absolument pas, s'il te plaît. Eh boy. Eh boy. Allez-y, là. Y en a-tu d'autres? Ben, au moins, vu que c'est l'Halloween, si tu passes, tu seras pas attaqué par des zombies parce qu'ils te verront pas. Non? Hey, il est positif, ça. Quand même. Bon. Ou peut-être parce que je cours vite. Ouais, c'est ça. Dis-toi que tu cours vite. Tu sais, moi, être un zombie, je m'attaque directement à Mathieu Plante, là. Ah, mais ces zombies, tu deviens lent, hein? Les zombies, c'est lent. Ouais, très. En plus de faire des bruits bizarres, c'est ouais, ça. Ouais, c'est ça. Ben, comme je viens de faire. Hein. Ouais. J'imagine qu'ils font ça quand ils avancent. T'as déjà des zombies dans notre vie. Ça doit. Ouais. Donc, le C, c'est le svelte qu'on appelle. Oui, c'est ça. Et toi, Mathieu, tu as. Comme d'abord, t'es alcoolique. C'est ça. Ben, je l'ai senti tantôt et sérieusement, il sent extrêmement bon. Ben oui. Comme ça sent vraiment, comme tu disais, François, la crème de menthe originale. Ils l'ont réussi. Exactement. Il reste à voir s'ils ont réussi le goût. Hein? Ben vas-y, goûte-le, puis je l'explique en attendant. C'est un mélange de puère, de menthe poivrée avec une touche de cannelle et de vanille. Donc la vanille qui va donner toute la dimension crémeuse, la cannelle le côté plus rehaussé, puis la menthe poivrée qui va donner tout le côté rafraîchissant. Ouais, exactement. Et ce que je pourrais dire, c'est ça goûte crémeux, un peu comme si t'avais mis, tu sais, des fois quand tu mets du lait dans du thé, ça devient crémeux. Là t'as rien de ça, mais ça goûte quand même. C'est ça. Ce petit côté-là crémeux. Je goûte surtout la menthe poivrée. Je dirais que la cannelle vient s'agencer avec, mais elle n'est pas par-dessus. T'sais. C'est ça. Elle vient en dessous de la menthe. Et c'est pour ça que ça s'appelle crème de menthe. Ben, j'espère bien que je vois la cannelle en partie. Merci, Xavier. Ben oui. Ça fait plaisir. Mais quand même, je me demandais si la cannelle allait comme un petit peu gâcher le goût de la menthe. Non, même moi, j'avais peur parce que j'aime pas nécessairement tout ce qui est trop à la cannelle, mais celui-là, il faisait vraiment partie de mes préférés en nouveauté. Très bon. En nouveauté. Nouveauté, ouais. Il y en a des millions. Hein, ouais. On ne peut les compter. Oh non. Les jeux de mots. Non? Compter. Oh, je suis pas réveillé. Oh, on s'habitue avec Mathieu Plante. Ouais. Je suis toujours pas habitué, ça fait bientôt 2 mois, puis je suis toujours pas habitué. Ça va venir. Okay. Ah, ça va venir? Wow. Hey, wow! Wow, les jeux de mots! Wow. Puis, dans le fond, crème de menthe a succédé à un autre thé qui s'appelait Les Contraires Satyres. Les Contraires Satyres... Ah, je l'aimais, celui-là, je l'ai acheté, C'était quoi? C'était un mélange de puère et de thé vert avec de la menthe poivrée à l'intérieur. Donc pourquoi les contraires s'attirent? C'est parce que le thé vert et le puère sont deux choses totalement différentes et ça se marie extrêmement bien dans ce thé-là. Okay. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre les contraires s'attirent et celui-là, dans le fond? Ben, dans crème de menthe, tu n'as pas de menthe verte à l'intérieur. Okay. T'as pas de thé vert, okay. Et tu as les petites épices en plus. D'accord, là je comprends. Je pensais que c'était pas poivré, mais... Non, les deux, c'est de la menthe poivrée qui est à l'intérieur. Mais pour avoir senti le crème de menthe, la cannelle, je trouve qu'en fait, est plus dure à détecter. Mm-hmm. Ouais. Moi, ce que j'ai trouvé des thés à la menthe, parce que je suis comme un habitué des thés à la menthe, dans le sens que j'ai souvent acheté des thés à la menthe, c'est le genre de choses qu'à un moment donné, t'en veux beaucoup parce que t'aimes bien ça, parce que c'est rafraîchissant. Mais tu t'en, donc tu dois à un moment donné comme en boire moins souvent, moins fréquemment. C'est vrai que si on aime un thé en particulier, le prendre trop, on se tanne rapidement. Ouais. Donc, on dirait que la menthe poivrée particulièrement, il y a comme Dans le fond, on peut alterner menthe poivrée, menthe verte. C'est deux sensations assez différentes. La menthe poivrée aura une sensation beaucoup plus forte, intense, et, alors que la menthe verte aura une sensation un peu plus sucrée. Ouais. J'aime ça. Okay. Puis dans le fond, ce sont des tisanes aussi qu'on pourrait retrouver assez facilement. Donc on peut faire aussi à partir de là toute une grande gamme de possibilités. Superbe. Donc voilà pour les thés. Au niveau dégustation liquide, oui, effectivement. Ouais. On va goûter maintenant sur du manger. Du manger, maintenant. Manger dans la bouche. Donc aujourd'hui présenté sous forme de muffin parce que c'est beaucoup plus simple pour vous l'amener, mais c'est quelque chose qu'on peut facilement préparer dans un moule rectangulaire et le servir en entrée, genre une tranche, servir avec une salade à côté. C'est une entrée quand même assez légère, quelque chose qui est vraiment parfait en été justement si on veut se faire un petit, même pour un souper, une bonne quantité de salade avec 2 tranches de ça, c'est un souper d'été assez... assez agréable. Moi, tu vois, surtout que tu me le fais sentir, et là, je vais faire de la publicité sans le vouloir, mais ça me faisait penser à un... tu sais, chez Tim Hortons, là, les sandwichs matin, là, avec le petit biscuit, là. Oh, ouais. Ça vient sur un petit genre de biscuit, un genre de croûte, là, avec fromage, jambon. Et ouais, c'est ça, ça sent ça. Donc, je m'attends à ce que le goût goûte un petit peu comme un déjeuner dans un fast-food. Mais... Parce que dans le fond, là, tu as du jambon à l'intérieur, ouais. Tu as aussi des olives, tu as du parmesan. Ouais. Hey, ça vous dérange pas, je vais juste attendre un peu avant de ouais, d'écouter olive, parmesan et jambon, je trouve ça un peu hard. Pour le matin. En fait. Je viens de finir mon chocolat chaud, puis là, je m'en prête. Peut-être qu'elle mélange. C'est vrai que c'est deux extrêmes. Là, dans ce cas-là, les contrastes, ça tire pas. Non, c'est ça. En fait, je vais attendre, mais je vais écouter, puis vous en reparlerez peut-être demain. Ça tira de chercher une petite salade, tu iras réchauffer ton muffin, puis tu mangeras ça. Sinon, après, comme en fait, dessert de mon dîner, j'imagine que ça peut être bien. Je sais pas comme dessert, hein. Après, ça reste un muffin, non? Je sais pas. Il est vraiment pas sucré. Collation? Tu peux utiliser comme collation si t'as envie d'un petit truc salé. Mais vois-tu, c'est tous des ingrédients aussi que... En fait, je sais pas, mais c'est la première fois que je vois ça dans un muffin. C'est préjugé. Dans le fond, on peut avoir des cakes sucrés, des cakes salés. Donc, cake, on s'entend que ça veut dire gâteau. Mais en France, un cake, c'est vraiment... Trop de cake. T'es totalement moi. Ah non, c'était pour Mathieu. Merci. Et donc c'est ça. En France, quand on parle de cake, c'est obligatoirement d'un moule rectangulaire. Donc après, tu peux avoir des cakes sucrés, des cakes salés. Okay. Et ça, c'est exactement le genre de choses que dans ma famille, on faisait souvent en entrée avec la petite salade justement. Donc avec une petite salade de laitue avec des tranches de tomates et des champignons, des petites choses comme ça, des petites vinaigrettes légères. J'ai très hâte d'écouter. Je vais écouter, moi, dans deux secondes, parce qu'avant, j'ai des questions sur... Tu viens de parler de cake. Oui. Je sais pas si tu peux m'expliquer, parce que je me suis toujours demandé comment ça fait que vous appelez des gâteaux des cakes, vous appelez des crêpes des pancakes, des biscuits, c'est des cookies, tu sais, ou n'importe quoi. Ou cookies, c'est pas exactement la même affaire qu'un biscuit qu'on a ici, c'est une autre affaire. Ben, dans le fond, vous, ce que vous appelez une crêpe, c'est vraiment les crêpes épaisses. Ouais. Ce que vous appelez, vous, crêpes françaises, c'est ce que nous, on appelle des crêpes. OK. Donc, nous, les crêpes, comme nous, on a l'habitude de les connaître, c'est vraiment les crêpes légères, les crêpes très fines. Mince. C'est ça. Les crêpes bretonnes, genre. Donc, quand vous précisez crêpes, c'est que c'est une... Quand vous précisez pancake... Quand on dit un pancake, c'est une crêpe épaisse type américaine. Comme on appelle, nous, ici, crêpes. Exactement. OK. Et les cookies? Les cookies, pour nous, c'est vraiment les biscuits avec les pépites de chocolat, genre. OK. Mais un biscuit, est-ce que vous utilisez le mot biscuit à quelque part? Oui. Okay. Un ou l'autre, ça... C'est interchangeable, finalement. C'est ça, mais ça dépend vraiment parce que cookie, ça a vraiment une spécification supplémentaire. Mais c'est quoi? Ben, genre, tu achètes comme un gros biscuit avec des pépites de chocolat dedans, genre, ça, c'est un cookie. Le gros, gros biscuit, là, comme on voit des fois dans les films. Ben, gros, pas aussi gros que ta tête, là, mais. N'insulte pas ma tête. j'ai pas insinué que ta tête est grosse. Peut-être qu'elle est aussi petite que le cookie, on sait jamais. Hey, bien rempli. Hein. C'est ça. D'accord. T'as plein de petites pépites de chocolat dedans? Ben, j'espère. Ouais, j'espère que les zombies vont pouvoir se rassasier. Se régaler. Sugar Rush. Oui. Donc, je goûte ton biscuit McMuffin. En tout cas. On est passé de Tim Martin à McDonald's en 30 secondes. Ouais, ça goûte pas la même chose, j'avoue. Et pour expliquer où est-ce que le thé se situe là-dedans, c'est juste que, dans le fond, mes tranches de jambon, avant que je les tranche, avant que je les mette en petits morceaux, dans le fond, ont reposé dans du puer au gingembre. Donc, c'est pour ça que j'ai dit jambon-gingembre, parce que c'est du jambon parfumé au gingembre. Je vais avoir de la misère à te parler pendant que je marche, parce que c'est quand même une grosse bouchée que j'ai pris là. On parle pas la bouche pleine. Ben, mais je m'excuse. François, vas-y. Ben, est-ce que c'est bon? C'est super bon. Ouais. Et moi, je trouve que comme déjeuner, c'est parfait. Ah ouais, t'es sûr? Mais est-ce que ça goûte les olives? Est-ce que ça goûte le... J'ai goûté un petit peu les olives, mais je pense que c'est comme peut-être pas dans ma bouchée précise, là. Je peux en prendre d'autres, si vous voulez. Ça va être très chic. Allez, vas-y, essaye un deuxième. Est-ce que là, t'as une olive de la bouche? C'est vraiment, vraiment très, très bon. Ah, pour vrai? Ouais. Et le gros avantage avec ça, c'est que dépendamment de ce qu'on met à l'intérieur, on peut le rendre plus ou moins léger. Si on rajoute de la crème, ça va être un petit peu plus léger. Mais là, est-ce que t'aurais pu rajouter d'autres choses? Est-ce que t'aurais pu rajouter des cornichons? Dans le fond, ce qui est bien avec les cakes salés, avec ce genre de choses-là, c'est que tu peux faire toutes sortes de possibilités. C'est vrai que la recette de base que moi j'avais, que j'ai adaptée pour la chronique aujourd'hui, c'était bacon oignon. Donc après, j'ai comme... virer le bacon, les oignons, puis j'ai dit je vais faire, à la base je voulais même mettre de l'emmental dedans, mais je fais comme, avec l'emmental ça va faire trop de fromage dedans, il y a déjà du parmesan à la base, Donc après, ça donne vraiment toute une gamme de possibilités. Tu peux mettre les légumes que tu veux, la viande que tu veux. Je vais faire un club sandwich muffin. Genre. Non? Genre, tu prends tout ce que tu mettrais dans un club sandwich, tu mets ça dans la pâte à muffin, puis tu le fais cuire. Ouais, c'est ça. Là, t'aurais pu en fait échanger le jambon comme du poulet. Genre. OK. Ça se mange vraiment, t'sais, ça se mange bien, ça se tient bien, c'est ça qui est le fun. C'est comme dessert, c'est pas. Déjeuner. Non, du tout. Non, ouais, comme déjeuner, c'est comme tu disais, c'est comme prendre. Tu sais, il y en a qui mangent un petit déjeuner avec du jambon, une tranche de jambon, puis. Oh ouais, non, des pétates. Des pitettes. Des pitettes. La moutarde. Bon. Ça, c'est bon. Des fois, tu mets de la moutarde dans ton déjeuner. Fuck la moutarde. Fuck la moutarde toi-même. Ouais, la moutarde. Reste poli. Non, mais non, pas le matin. François, il est fermé à tout ce qui est recette. Du comment. Lui, c'est ça, c'est des Cheerios, des cornflakes, puis des toasts au beurre de pin. Moi, le matin, j'aime ça être conventionnel. Ouais. Tu sais, je. Plate, genre. Hein? Ben. Sans nécessairement dire plate, mais. Je l'ai dit. Ouais, tu l'as dit. Ben, peut-être, en fait. Ouais, au moins, t'as un chocolat chaud. Oh, hein. Déjà, c'est une petite variante, hein. C'est pas un verre de lait, tu sais. En parlant de chocolat chaud, je pense que la semaine prochaine, je te ramène quelque chose de spécial pour toi. Est-ce que vous en vendez, non? Quoi, des chocolats chauds? Ouais. On a des thés au chocolat. Des thés au chocolat? Mmh. Ouais. Okay. Mmh. Et puis là, en fait, ça fond, ça se mélange dans l'eau? Ben, dans le fond, ce qui est bien avec les thés au chocolat, c'est que le point de fusion du chocolat n'est pas assez haut pour que ça fonde dans l'eau. Okay. Ouais, ça fait deux fois le mot haut, il faut juste bien comprendre tout ça. Mais c'est ça. Ce qui est bien, c'est que le chocolat ne va pas fondre, donc on ne va pas ingurgiter totalement le chocolat. Ça va être juste les arômes de chocolat qu'on ingurgite. Grâce à ça, c'est moins de 2 calories qu'on a dans le thé, donc on considère comme 100 calories. C'est bon pour Mathieu. François. Ma tête est grosse. Hey, tu m'as gros. Je t'ai renvoyé à l'ascenseur. Et voilà, donc, forte probabilité pour que. Oh, je sais ce que je vous prépare pour la semaine prochaine. Quoi? On veut un scoop. Ça va être sucré. Ça va être intense. Oh, OK. Comme ça, date. Ça va être très chocolat. Ça va être chaud. Ça va être genre pas mal décadent. Oh. Okay. Donc, on résume. Décadent, chaud. Non, chocolat. Colin? Chocolat. OK. Ça va être chocolaté. Parce que, dans le fond, je vais vous ramener pas mal un brownie à ma manière. Oh, pas des brownies? Ah, ça, c'est bon, par exemple. Ça, c'est bon. Ça, on aime ça. C'est louche, ça, Mathieu. Ouais, je sais, excuse-moi. Je m'emporte des fois. Tu ressemblais presque à un enfant devant un sapin de Noël. Oui, ben c'est ça. Des brownies et tout ce qui est sucré, finalement. Parce que je vais vous ramener un brownie, dans le fond, à explosion chocolatée. Wow. Qui est un maté avec un mélange de chocolat, de framboise et d'amande. Donc, c'est le maté à la base assez énergisant. Et je vais avoir une couche de frangipane, une crème à l'amande. Une crème aux amandes, dans le fond. Vraiment une poudre d'amande que tu mélanges avec de la crème, etc. Okay. Et tout ça recouvert d'un glaçage chocolat-framboise. Est-ce que tu viens de décider ça comme ça, tout au hasard? Non, c'est quelque chose que j'ai déjà fait il y a plusieurs fois. Et à chaque fois que je le prends, c'est... Tu prends un morceau, t'as un sugar rush immédiat. Mais malheureusement, t'en prends encore parce qu'il y en a qui ont déjà quasiment... Un moule de même, là. Bon, je suis en train de le mimer en arrière du micro. Disons mais, un 6 pouces... Genre... 7 pouces... Hein? Excuse-moi. Ah, 6 pouces? Ouais. Ouais. OK. Genre, on prend un moule carré, 6 pouces, ça, plein... Et puis, c'était quelque chose comme ça, genre qu'on pourrait finir en une soirée, à deux. On s'entend que c'est vraiment très intense niveau chocolat. Ouais. C'est, tu ingurgiterais facilement 300 grammes de chocolat one shot. C'est pas assez pour moi. Sans compter le lait. Tu verras, tu vas manger un morceau la semaine prochaine, tu vas capoter. Ne doute pas de ma capacité à ingurgiter. Ça, c'était aussi bizarre. Et je te dirais. Que tu vas me rappeler la face. Et moi, je te dirais aussi, ne sous-estime pas la teneur en chocolat de mon gâteau. Oui. Ton gâteau, c'est. En tout cas. Écoute, bref, si on sous-estimait pas rien, ça serait pas pire. Ouais, ça serait bien. On sous-estime pas Mathieu Plante avec son appétit de lion. Et on ne sous-estime pas Xavier avec son gâteau. Ouais. Ou son cake. Ouais. Peu importe comment tu l'appelles. Ça va dépendre de la forme du gâteau. Ah, d'accord. S'il est rectangulaire, oui, ça va être OK. S'il est rond, c'est un gâteau. C'est pas un peu n'importe quoi comme règle, ça, là? Non. Non? Non, ça a l'air bien spécifique. Ben, en France, c'est un moule à cake, c'est un moule rectangulaire. OK. Combien de... Tu veux-tu encore l'allumer? À 12 pouces, là? D'accord, 12 pouces. 12 pouces, 5 heures? Oui. Bon, ça fait comme 3 minutes qu'on est sur l'avant-goût de la semaine prochaine. Ouais. Donc, merci pour la chronique de cette semaine. Ça fait plaisir. Merci en retard pour celle de la semaine passée et merci à l'avance pour celle de la semaine prochaine. Ça fait plaisir. Je vous reviendrai puis je vous ramènerai aussi de quoi pour vous énergiser. Donc, on va vraiment passer dans le domaine très énergisant la semaine prochaine avant de retomber la semaine d'après dans le santéine sans caféine. On va parler de Rooibos dans 2 semaines. Ça sera dans le contraire total. Wow. Exactement. J'aime ça. Merci, Xavier. Merci beaucoup. Merci, les enfants. À lundi prochain à 8h. Nous, on est toujours dans le spécial Halloween d'Assemblage Requis. Hein? Étant donné qu'à un moment donné, aussi qu'on sort d'une chronique, soudainement, les morts vivants et les petits chats ressortent de leur... Non. Mathieu! Hey, il parle de moi! Mathieu! Donne-moi du lait! Les petits chats? Ouais. Louche. Non, très louche. Non, mais les petits chats? Ouais, donne-moi du lait. C'est en effet très louche quand tu y parles. Ouais. Ben non. Ben si. Quelque chose de crémeux et de blanc. Mais là, wow. Là, je sens bien dans... Enlève ça, ta tête tout de suite, là. Ça arrivera pas. Là, vous êtes deux à faire des bruits de chat. Plus le fond. Plus moi qui ai envie d'aller changer de sujet totalement. Pour aller entendre une autre chronique de Régis Sellerie. On est rendu à la partie 12 de ses chroniques sur le diable dans tous ses états. Le diable! Tout de suite. Attends. Et voici maintenant la série « Le diable dans tous ses états ». Présenté par Monsieur Régis Ollerie. La lycanthropie. Que cela relève du domaine fantasmatique, de la psychiatrie ou d'une réalité pour le moins déconcertante, toutes les époques et toutes les cultures ont fait mention de curieuses métamorphoses d'hommes en animaux. Celui qui croit se transformer en chien fait preuve de synanthropie, en bœuf de bousanthropie. Mais le plus connu est indiscutablement celui qui s'imagine muet en loup, le lycanthrope, ou plus communément loup-garou. Le terme, tout comme la tradition du lycanthrope, dérive d'un dénommé Lycaon, roi d'Arcadie, contrée de la Grèce ancienne au centre du Péloponnèse, et père de Callisto, une des nymphes favorites de Diane. Lycaon, ayant servi à Zeus lors d'un banquet les membres d'un enfant sacrifié, avait été condamné par le dieu des dieux à être transformé en loup, tout en lui conservant les facultés cognitives d'un humain. Une autre tradition, véhiculée par Ovide, explique ce châtiment par le fait que Lycaon ait voulu éliminer Zeus en personne. Mais quelle qu'en soit l'origine, le mythe du loup-garou s'est étendu dans une bonne partie de l'Europe. Que ce soit sous le nom vernaculaire de Bisclaveret en Bretagne, de Libéron en Dordogne, de Loup-Bérou dans le Berry, de Varou en Normandie, Garval en Saxe, Verewolf en Allemagne, ou Bête Bigourne qui court la Gallipode dans le Poitou, c'est toujours du loup-garou qu'il s'agit. Il terrorise les campagnes, s'attaque aux humains de passage, et il s'en fallut de peu que la célèbre bête du Gévaudan n'en soit un. Une caractéristique morphologique permettait de dépister les humains susceptibles de se transformer en loup-garou. C'était le synophris, ou fusion des deux sourcils au niveau de la racine du nez. Le lien entre synophris et lycanthropie est d'ailleurs confirmé par le terme varulve, synophris en ancien norvégien, et étrangement proche de l'allemand werwolf, qui signifie loup-garou. Pourquoi cette relation entre des sourcils fusionnés et la faculté de se transformer en loup? Le système pileux avait de tout temps suscité bien des hypothèses morphopsychologiques. De Samson, dont les cheveux abritaient une telle puissance qu'il put briser la 6e servitude des Philistins et arracher les portes de Gaza, jusqu'au célèbre Achille, dont le cœur avait été trouvé velu, l'abondance de la pilosité était garante d'une masculinité guerrière et triomphante. Les sourcils, bien davantage encore, allaient permettre de pénétrer en profondeur les traits de la personnalité. Dès le XIIIe siècle, Albert le Grand souligne l'importance de la forme des sourcils dans le tempérament de la personne. Au XVIIIe siècle, le lavatérisme de Jean-Gaspard Lavater et la phrénologie de Franz Josef Gall exploitent à fond le principe de physiognomonie. Et à la fin du XIXe siècle, l'anatomiste Alfred Richet écrivait encore « Lorsqu'aucun intervalle ne sépare les sourcils, il donne à la physionomie une expression de dureté bien caractérisée. » C'était donc bien là, entre les deux sourcils et la racine du nez, que se trouvait le fief d'une agressivité que l'on avait attribuée au loup-garou. C'était d'ailleurs exactement là que la phrénologie avait placé le siège de la démonomanie. C'était donc bien là qu'il fallait frapper lorsqu'on voulait abattre un lycanthrope. Mais attention, car un lycanthrope dont on n'aurait pas brûlé le corps a, semble-t-il, de bonnes chances de devenir un vampire. Venez d'entendre une capsule de la série « Le diable dans tous ses états » présentée par M. Régis Ollery. Très étrange sujet, ce truc de sourcils. Une autre chose que les Français et les Européens prononcent différemment de nous, hein, les sourcils, le nombril. Ouais. Alors que nous, on dit sourcils et nombril. Mm. Sans prononcer le L. Tu sais, je une remarque comme ça, ça n'a pas vraiment de sens. Alors, on continue avec la prochaine chronique, le diable dans tous ses états. Il va nous en rester juste une après, donc on avance. Oui. On avance. On va y arriver. Et voici maintenant la série « Le diable dans tous ses états », présentée par M. Régis Ollery. Le diable chez les Ursulines. Début du XVIIe siècle. Alors que l'évêque de Luçon s'apprête, comme c'est son droit, à diriger une procession, un jeune homme le devance et caracole en tête des fidèles. L'évêque, qui se nomme Armand-Jean du Plessis, va dans quelques années devenir le cardinal de Richelieu. L'insouciant qui vient de commettre cet affront s'appelle Urbain Grandier et va bientôt payer de sa vie la rancune tenace du cardinal à son égard. Urbain Grandier, brillant élève des jésuites de Bordeaux, reçoit en 1617 la principale cure de la ville de Loudun. C'est un homme talentueux, sûr de lui jusqu'à l'orgueil, parfois méprisant, mais rien de tout cela ne constitue un handicap sérieux à l'exercice de son sacerdoce. Malheureusement, Urbain Grandier est également très sensuel, tant dans ses allusions que dans ses actes, et le résultat ne se fait guère attendre. Les bourgeoises de la ville tombent sous son charme, et la fille de Louis Trinquant, procureur du roi, se retrouve enceinte du nouveau et séduisant curé. Les bruits circulent jusqu'au couvent des Ursulines, dont la supérieure, Madame de Belciel, frétille d'impatience de connaître Urbain Grandier et le réclame donc comme confesseur. Naturellement, la demande n'est pas accordée, et le fantasme s'empare alors des Ursulines. Les nonnes déclarent voir le curé les visiter de nuit et font état d'attouchements et de caresses. Ajoutant à cela la découverte de 3 branches d'aubépine dans le jardin du couvent, la preuve d'un sortilège n'est plus à faire et le chanoine Mignon, ennemi juré de Grandier, commence les exorcismes. Avec sa silencieuse approbation, les Ursulines se déguisent la nuit en fantômes pour effrayer leur jeune sœur et à partir du 12 octobre 1632, les soi-disant démons accusent Urbain Grandier d'être à l'origine de ce maléfice. Grandier se défend avec l'aide de son ancien et puissant ami Sévol de Sainte-Marthe, mais ses ennemis reçoivent un renfort de poids, le cardinal de Richelieu. Celui-ci, voulant réduire le protestantisme régnant à Loudun, y envoie son âme damnée, le baron de Laubardemont, avec mission de démanteler le château médiéval de la ville. Par un méchant coup du sort, Laubardemont est apparenté à Madame de Belciel. Les ennemis de Grandier sautent sur l'occasion pour accuser le prêtre d'avoir rédigé un pamphlet acerbe contre le cardinal, et celui-ci se remémore l'audace du jeune homme qui lui avait ravi la direction de la procession plusieurs années auparavant. En janvier 1633, le curé, déjà considéré comme hérétique, est emprisonné à Angers, et de nouveaux exorcistes, les pères Barré, Lactance et Tranquille, tous des fous furieux, poursuivent leur mission avec le plus grand zèle. Aspergés d'eau bénite, les Ursulines se livrent en spectacle, mélange risible de contorsions hystériques et de striptease libidineux. Le 20 mai 1634, certains démons se nomment, Asmodée entre autres, et un mois plus tard, on retrouve dans les papiers de Grandier un pacte diabolique contresigné par Satan, Astaroth, Belzébuth, Lucifer, Élimi et Baal-Bérite. Rien ni personne ne peut plus alors sauver l'accusé. Après quelques séances de l'indispensable torture, Urbain Grandier allait être brûlé vif le 18 août 1634. Et pour ceux qui auraient encore douté de sa culpabilité, on raconte qu'un gros insecte, virevoltant autour des flammes, était là pour emporter l'âme du damné aux enfers. Venez d'entendre une capsule de la série « Le diable dans tous ses états », présentée par M. Régis Ollery. Il nous reste une dernière capsule, le diable dans tous ses états, à entendre. Le diable chez Ursuline, ça s'en vient tout à l'heure, d'ici la fin de l'émission. Mais juste après la pause, c'est la chronique Sports. Sports avec Nicolas Ducharme, journaliste pour l'Écho de Trois-Rivières. Oui. Oui. Non, il n'est pas... Pause. OK, pause. T'as dit pause, donc je ne m'attendais pas tout de suite. Là. Ben, c'est pour ça que je me demandais pourquoi tu t'en allais vers lui tout de suite. Mais non, je voulais juste le présenter. Ah, OK. Juste parce qu'il est bien habillé aujourd'hui. C'est vrai, hein? Je le trouve son costume d'homme sérieux. Un peu beau. Ben, il est déguisé. Ouais, c'est un déguisement. Non. Attends, pause. Pause? Pause! Attention, pause. Je la parle. Okay. Attention, là. Pause. êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. François Olivier, Mathieu Plante, assemblage requis en pièces détachées. Il y a toujours à assemblage requis en ce lundi 31 octobre 2011. C'est ça. Lui, c'est François V. Marchand. Et lui, c'est Mathieu Plante. C'est plus épeurant hein, quand tu dis ça, frère. Toi, tu voulais pas des malaises, Nicolas, aujourd'hui? Non, regardez, avec vous autres, des malaises. Il y en a plein, hein? C'est fréquent. Parce que si t'en veux pas, tout bad pour toi. T'en as un plein. Et maintenant, pour tous les fans de Satriani, Pepperoni et les autres joueurs de hockey des différentes équipes, voici la Chronique Sport de Nicolas Charles. Hey, bon matin, messieurs. Bon matin, madame. Bon matin. Même si on avait déjà discuté un peu, là. Ouais. Comment? Même si on avait déjà discuté un peu, là, je vous souhaite officiellement là, une bonne matinée. Merci. Oui. Un joyeux Halloween. Vous-même. Un joyeux Halloween. Est-ce que tu passes l'Halloween ce soir? Ben non, je passerai pas l'Halloween. Ah, t'es déguisé en homme d'affaires. Là. Je suis entre le stade où je passais l'Halloween dans ma jeunesse et le stade où je vais recommencer à passer l'Halloween avec les enfants quand ça sera rendu là. C'est ça. Oh, t'as une chose à la fois. T'as-tu quelque chose à nous annoncer? Non, mais je veux dire, un accident est si vite arrivé. Donc, est-ce qu'on a dit Nicolas Ducharme de l'Écho Trois-Rivières et son professionnalisme ambulant ici? Hey, écoutez, les gars, je suis ici pour la dose de professionnalisme. C'est pour ça que vous m'avez appelé, hein? On t'a pas appelé. Mais je veux souhaiter joyeux Halloween à tous les petits gars qui vont se déguiser en joueurs de hockey parce qu'ils n'ont pas été assez rapides pour se trouver un costume qui avait de l'allure. Donc, on ouvre la poche. Ça dépend. Ça dépend, c'est très bien. C'est ça que je dis. Il y a tous ceux qui n'ont pas été assez bright pour se trouver un costume avant. Félicitations. Nicolas. Sortez la poche. Donc, je dis ça de bien parce que je l'ai fait moi aussi. Là, c'est ben un oui. classique. Là. Sortez la poche. Donc, ouais. Mathieu. Oui. Un autre malaise. Félicitations. Alors, j'y vais sans attendre parce qu'on va faire ça rapidement. Il est quand même 8h37 ce matin. T'as passé de 20 minutes, ça que tu veux dire? Ben, tu le sais. Ben oui, quand on commence, on finit plus. Cataracte de Shawinigan, je commence ça. Il y avait 3 matchs jeudi, vendredi et samedi. Et 3 belles victoires. Ben, 2 victoires et une belle victoire sur papier, devrais-je dire, contre les Remparts. C'est-à-dire qu'on l'a apporté 3-2 contre Bécomo. C'était jeudi au Centre Bienness. On l'a apporté 2-1 contre le Saguenay de Rimouski vendredi. Encore du côté du Centre Bienness. Et samedi, du côté du Colisée Pepsi, devant 10 000 personnes. Wow. Quand même, hein? Une défaite de 5-4 en fusillade, mais avec le nombre de blessures qu'on a là présentement du côté des Cataractes, je pense qu'on était très contents d'aller chercher cette victoire-là. Là. Ça va bien pour les Cataractes. Ça va bien, mais non, mais oui et non, je te dirais. Ben, début de la saison, c'était pas malade. Ça a commencé moyen, ça s'est beaucoup amélioré. Le problème, là c'est qu'il y a plus de monde présentement là, à l'urgence des Cataractes qu'à l'urgence point. On a du côté des Cataractes, écoutez, je les nommerai pas toutes, là, mais Michael Bournival, on parle du meilleur joueur de l'équipe, oh, on parle de Gabriel Girard, quoique Alex Dubois fait une job justement là. Probablement que Girard retrouvera pas son filet d'ici à la fin de l'année. On parle de Mathieu Gagnon, on parle de Peter Sakaris, on parle entre autres. J'ai des petits blagues. Maximilien Lossier aussi qui est tombé au combat cette fin de semaine pour un mois. Donc, on l'a difficile, mais quand même, du côté des Cataractes, on garde le tempo. On est au 4e rang de la Ligue avec 27 points, 2 points derrière, 1 point plutôt derrière les Sea Dogs de St. John's et Victoriaville avec 29 points, 2 points d'avance sur les Cataractes. Demain, gros match du côté du Centre Bienness. C'est les Remparts, c'est Patrick Roy qui sont en ville. Ouais. Ils descendent. On se souvient que Patrick Roy a dit la semaine dernière que tant qu'à lui, avec l'équipe que présente les Cataractes, il ne méritait pas d'obtenir la Coupe Memorial cette année. Donc, il va avoir de l'action. Attendez-moi ce que ça soit plein pour la venue de Lord Patrick. Par contre, du côté du... En plus, le Canadien ne joue pas, donc il rentre 4125 personnes au Centre Bienness. Attendez-vous à 4125 personnes au Centre Bienest. J'enchaîne avec le Caron Aiguille, là, l'équipe de la Ligue nord-américaine de hockey, qui a connu une excellente fin de semaine aussi. Des victoires de 5-2 du côté de Jonquière. C'était vendredi et hier, une victoire, belle victoire, 6-5 contre le Cool FM de Saint-Georges. Ça a été en fusillade et on était rendu en 9e ronde de fusillade. Quand même, hein? Tu connais, François, un peu le type d'alignement qu'on présente dans la Ligue nord-américaine de hockey, c'est-à-dire plusieurs goons. Ouais. C'est Chris Cloutier, un goon qui s'est présenté en fusillade pour essayer d'aller battre Frédéric Deschênes, et personne n'y croyait, c'était plutôt cocasse. Et bon, Chris réussit à marquer le but, revient, écoute, célèbre sur les fesses en plein milieu de la patinoire. Les 609 personnes qui étaient ici, c'est une petite foule encore. C'est dommage parce que là, le Cara et Gay donnait un très bon show. Là. En délire, c'était un des moments les plus drôles que j'ai pu voir là, du côté du Cara et Gay là, depuis que je couvre ça cette année. On s'en vient avec les Pats. Boys, il s'était passé quelque chose la semaine dernière. C'est-à-dire que du côté du soccer, les hommes étaient éliminés des séries, comme j'avais déjà expliqué la semaine dernière. Par contre, il s'est passé un événement pendant la semaine, c'est-à-dire que plusieurs équipes, dont surtout Sherbrooke, Laval et, si je ne me trompe pas, Montréal, ont été pénalisées par le RSEQ pour avoir utilisé un joueur inadmissible, au moins un joueur inadmissible. C'est-à-dire que... Ce que vous dire? Et Tigo, il avait pas assez de cours pour pouvoir compétitionner dans l'équipe, mais Tigo l'a pris quand même. Donc, à ce moment-là... Tigo était pas mauvais. Ben, Tigo, je sais pas s'il était mauvais ou peu importe la question. Ben, j'imagine, si t'as pas le droit, tu le prends quand même. Il doit être pas pire. Des fois aussi, tu t'es joueur, puis ça te fait mal de couper un joueur parce qu'il y a pas ses cours. Mais on a été pénalisé, ce qui fait que du côté des hommes, on s'est retrouvé en excellente position pour faire les séries. Vendredi, un excellent gain de leur part contre Laval 4-1. Ça leur garantissait une place en série. On a perdu hier 2-1 contre Lucas, mais quand même, on termine au 3e rang du RSEQ. Et on va faire les séries contre McGill cette année. Ça sera pas long. Une victoire de 3-1 pour les Patriots cette année, une défaite de 3-1 contre les Redmen de McGill. Tout est permis d'espérer. On se souvient que les Comeback Kids durant les séries intérieures l'an passé avaient fait des belles choses. Puis quand tu parlais d'être pénalisé, qu'est-ce qu'ils ont eu les autres équipes? Forfait. Donc ils sont disqualifiés? Ah, comme dirait Homer Simpson et deux. Ah ouais, t'es sérieux? Okay, comme dirait Homer Simpson, les deux plus beaux mots de la langue française. défaut. Alors oui, exactement, c'est-à-dire qu'on leur fait perdre les matchs où est-ce que le joueur en question, le 10 joueurs en question a participé. OK. Et puis il a participé souvent. Ben, surtout Sherbrooke a participé très souvent. Là. Okay. Sherbrooke qui finit l'année avec une fiche de 3 victoires, 8 défaites et 1 nul. Donc je pense que c'est 5 matchs du côté de Sherbrooke qu'on a manqué. Ça doit être le fun pour les gars, hein, ses coéquipiers. Ben écoute, comme on dit, tu sais, t'as rentré en série par la porte d'en arrière. Dans ce cas-ci, c'est pas juste la porte d'en arrière, c'est la fenêtre de du sous-sol totalement là. Mais bon, on va le prendre. Et du côté des filles, en fin de semaine, une défaite de 1-0 hier contre les filles de l'UQAM, les citadines, si je me trompe pas. Et on avait fait nul vendredi contre Laval, ce qui fait qu'on est éliminé des séries à 3 points des Québécoises. Et Pat Hockey, on a disputé un très mauvais match mercredi dernier contre Carlton, une volée de 7-1. C'était très déprimant. Et le 30, les gars de Trois-Rivières allaient aux États-Unis. On affrontait les Cadets de Norwich. Et une défaite. Écoutez, Norwich, c'est une équipe de 3e division aux États-Unis. C'est pas un gros club, là. C'est pas. Non. On n'affronte pas. Je compare avec McGill qui a affronté Denver, Colorado, Air Force au début de la saison. Défaite de 3-0 des Patriots. Ça va pas très bien. J'étais un petit peu inquiet. Et vraiment, là, donc, quoi dire sur ce match? Vincent Lamontagne, qui est crédité de la défaite, a gardé les buts à deux périodes sur trois. C'est pas mal ça. Crédité de la défaite, ça veut dire que c'est sa faute qu'ils ont perdu. C'est ben, au niveau des statistiques, des statistiques, oui, exactement. Wow. Je veux pas dire que c'est sa faute à 100%. Là. Ouais. Je veux dire, quand tu comptes zéro but, c'est plutôt difficile de gagner dans ce temps-là. Ça va mal, ça, ouais. On voit ça de même. Hey, Jalouette, une petite défaite hier, très décevante parce qu'on avait notre sort entre nos mains. On l'a emporté, on avait une bonne chance de terminer premier au classement de l'Est. On a perdu par la marque de, 32-27 contre les Stamps de Calgary. Ça a passé proche à la fin. Ça a passé proche, mais regardez, il y en a une petite balle déviée dans la zone des buts, ce qui fait qu'on oublie ça. Comment ça s'appelle, les Stamps? Les Stampeders. Les Stampeders, OK. Stampeders. Pas les timbres, là. Non, exactement. On n'est pas des philanthropistes ici. c'est ça, des philanthropistes? Je pense que oui. J'ai le terme, bon. Ouais, ouais. Jamal Richardson, 12e game de suite avec 100 verges, ce qui lui donne... Non, c'est pas ça du tout. Philanthropiste, c'est pas quelqu'un qui donne de l'argent à du monde? Philanthropie. Mais c'est pas son part, ça. Cherche donc ça, s'il te plaît, Mathieu. Ouais, okay. Donc, qui réalise un record de la CFL avec 12e match de cette saison avec 100 verges par la passe. Ça vient au Canadien, ben regardez. Philatélie. Philatélie, merci. Un philatéliste? Merci infilatellement. Hey, fait plaisir. Commence pas avec ces mots-là, non, ça va aller dans... ta chronique. Ouais. Pourquoi aller me planter la face quand tu le fais si bien, Mathieu? Merci. Canadien, hey, OK, on va se mettre à parler du Canadien. Vas-y. Mon cher FO, lundi dernier, lorsqu'on a discuté, ça allait pas bien. Ça prend absolument une victoire contre les Panthers, parce qu'après ça, Philadelphie, Boston... Chez eux, Boston chez nous. Exactement, Philadelphie à domicile aussi, là, du côté du Canadien. Ça a bien été. Ça a bien été. Ben, à vrai dire, on a perdu contre Floride. À ce moment-là, on a congédié Perry Pern. Et ça me dit que ça a été l'électrochoc. Je dis pas que c'était de la faute à Perry Pern, mais pas du tout. Mais c'était l'électrochoc qui était requis là, du côté du Canadien. On l'a emporté contre Philadelphie. On l'a emporté contre Boston à deux reprises. C'est très complexe. C'est souvent. Tu pourrais pas comprendre Mathieu Plante, c'est ça que ça veut dire. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Faudrait que tu comprennes les règles du jeu. Je sais qu'il y a une rondelle à quelque part là. Je vais te faire ça avec ton studio. On a 5 micros en studio. Ouais. Tu reçois normalement 5 personnes. C'est ça ton équipe de hockey. Okay. Malheureusement, t'as un micro qui fonctionne pas. Ouais. Okay? Ou qui fonctionne mal ou. Il griche un peu. Il griche un peu. Fait que c'est ça qui se passait du côté du Canadien. Ça grichait dans le micro. Ouais. Donc il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. À ce moment-là, dans ton cas, on a réparé le micro. C'était un petit peu moins précis parce que dans le cas de Perry Burns, c'était pas entièrement de sa faute et pas du tout, à vrai dire. Mais on a envoyé. C'est parce qu'à un moment donné, ça prend un électrochoc, ça prend un coupable. Oui. Et on a. Ben, gars, c'était l'avertissement parce que Perry Burns est le bras droit de Jacques Martin. Donc à ce moment-là, l'avertissement est lancé aux joueurs, aux entraîneurs, réveillez-vous. C'est ce qui s'est passé. Et là, du côté du Canadien, ben écoutez. J'aime ce que je vois présentement. Là. Ça va bien. Ça sent pas à coupe, là. Calmez-vous, s'il vous plaît. Là. Non. Mais j'aime beaucoup les trios du côté du Canadien parce que je trouve que tout se complète bien. Vous avez Pacioretty, Plekanec, Gianta. Pacioretty, Ravioli. C'est Ron Fournier, ça. Ça t'est rien dit. J'en avais déjà entendu. Ouais. Ron Fournier, le chanteur. Ah, il est drôle. Le chanteur. J'aime ça parce que Gianta est petit, Plekanec est moyen, Pacioretty est le grand. Mais c'est surtout qu'on crée de l'espace, on a un bon œil, un bon lancer du côté de Gianta, Plekanec qui a des bonnes facettes de passe et de tir. Donc on fait des belles choses. Camaleri, Desharnais, Cole. Desharnais encore là, tout petit, mais profite de la grosseur de Cole. Profite aussi de l'œil de Camaleri. Là-dessus, tout va bien. Mowen, Heller, Costin. Ben, gars, les gars, félicitations. Ouais, ouais. Travis Mowen qui joue du très bon hockey. Lars Eller qui, bon. Lâche pas mon grand, ça va bien. Puis Sergi Costin qui. Pas Sergi, plutôt André Costin qui joue du très bon hockey. Comme on l'aime. Calmez-vous, ça devrait arrêter. Là, le mois de novembre arrive là, après le premier mois. André a l'habitude de se calmer. Ouais, Alors on regarde ces trois premiers trios-là. Je pose la question suivante. Qui s'ennuie réellement de Scott Gomez? C'est ce que je croyais. Moi, en fait, je m'en ennuie un peu. Pourquoi? Sincèrement, juste parce que au niveau de son salaire, tu sais. Quand tu payes un gars de main, je m'excuse, mais faut-tu faire le tour? Non, pas nécessairement. Regarde les Rangers de New York, ce qu'on a fait avec Wade Redden, qu'on payait un salaire dans les environs de 5 millions de dollars. Vous savez, Wade Redden joue à Hartford dans les Ligues américaines et c'est comme ça depuis les trois dernières années, si je me trompe pas. Scott Gomez, présentement, tu me dis demain, Scott Gomez, ben pas demain, vendredi, si je me trompe pas, jeudi, vendredi. Je crois contre. Ben, gars, je te dis ça. Le vendredi 4 novembre, Canadien contre les Sénateurs. Bon, on l'a. Donc, tu me dis, contre vendredi contre les Sénateurs, Scott Gomez va revenir dans l'alignement. Ouais. Je vais te dire, ben non, merci, j'en ai pas besoin, je vais le mettre où? Je l'enlève du trio qui marche bien, je l'enlève du deuxième trio qui va bien, je l'enlève du trio Mowen, Heller, Costin. Pourquoi? Qui je vais enlever? Heller, Dernier, Plekanec? Tout le monde joue bien présentement. Alors pourquoi? Ouais, tout le monde joue bien, mais en même temps, moi je me dis, écris au salaire que tu le payes, à un moment donné, il va bien décoller. Faux. Ouais, je sais, si je suis peut-être un peu rêveur dans ce sens-là, mais... Non. Si j'ai une Ferrari, ma part pas le matin... À part pas le matin, mais... Je suis mieux avec ma protégée qui va me permettre de me rendre à ma job. Ouais, mais... Je suis d'accord avec toi, mais tu vas-tu l'essayer de la faire partir à chaque matin? Je vais peut-être... Moi, en tout cas, je l'essayerai. Je vais peut-être essayer, mais le problème, c'est qu'elle part pas depuis un bout, là. Elle part pas depuis un bout, mais en même temps, tu sais qu'à un moment donné, elle va décoller, tu sais. Ben, je commence à en douter dans le cas de Gomez. Ouais. On disait ça l'an passé. Ouais. Non, mais il va décoller. Je l'essayerai encore. Il va décoller. Puis cette année, il avait connu un bon camp d'entraînement. C'est-à-dire, j'ai fait faire un check-up. Ça a bien été. Ben, j'ai fait faire un check-up au garage. Le garagiste, il m'a dit pas de trouble, tes frères sont un peu maganés. L'analogie, elle commence vraiment à n'importe quoi, là. Puis tu l'as payé cher aussi, un peu. J'ai payé cher en maudit, ma Ferrari. Mais là, présentement, à part pas. À partir de là, Gomez, check la Galloper. Ben, Gomez a mené. Les calipers sont déjà c'est tout avec calipers puis le muffler. Non, mais Scott Gomez, sérieusement, va falloir prendre une décision à un moment donné parce que moi, ce que j'ai l'impression aussi, c'est qu'éventuellement, mets-toi à la place de peu importe qui sur ces trois trios-là. Tu vois Gomez qui revient, il faut le mettre dans cet alignement-là. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Ben, tu le mets dans le coffre arrière. Hamilton? Il ira pas. Premièrement, il ira pas, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ben, c'est pas. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Je sais pas, je te pose la question, c'est plus toi l'expert. S'il refuse d'aller à Hamilton. Ben, tu peux pas envoyer un gunman, man. Faut. S'il refuse d'aller à Hamilton, il est pas payé. Toi, t'es quoi, là? Toi, tu te dis, je peux aller jouer à Hamilton à 8 millions par année ou je reste chez nous pas payé? J'ai une hypothèque à payer. La femme à Scott Gomez, elle doit acheter plus cher de souliers, là, présentement. On s'entend-tu pour dire que où ce qui reste, ça doit être payé, puis, tu sais, il doit pas avoir de soucis financiers. Il est pas pauvre, mais il est pas le premier joueur de la Ligue nationale qui réussirait à perdre son argent, là. Mike Modano s'était retrouvé dans le trou à ses merci, là. Ah oui? Ben oui, Mike Modano. Il avait été retranché? Non, il avait financièrement, je veux dire. Ah. Des choses, tu sais, écoute, il y a des joueurs qui font des millions par année et qui réussissent à tout flamber ça. Ah non, c'est sûr, pas, ben, c'est sûr. Je dis pas que c'est le cas de Scott Gomez présentement. Je dis pas que c'est le cas de Scott Gomez. Ce que je dis, c'est présentement, il y a une chimie qui se passe, il y a quelque chose de très bon qui se passe et le Canadien n'a pas perdu, si je me trompe pas. Je vais hésiter, là, mais je vais en dire, il n'a pas perdu de match depuis que Gomez est coupé, ça se peut-tu qu'en fait, le coach à la place va aller voir Gomez, va dire, écoute, prends encore là, une semaine, là, repose-toi, là, fais semblant, à la limite, là, tu sais. Toi, là. Non, tu penses pas? François-Olivier, tu te fais dire. Toi, t'es un joueur de hockey. Ouais. Un joueur de hockey, oublie pas, c'est un gros bébé. Oh, ouais. C'est des bébés, les joueurs de hockey, là. C'est des gars qui sont habitués à être dans le thé. Mais justement. Tu viens de faire. Il va venir. Jacques Martin va aller voir ce qu'il va dire. Hey, gars, je sais que t'es prêt à jouer, puis t'as le goût, là. Attends. Non. Qu'est-ce qui est pire entre ça ou est-ce que tu vas aller jouer dans le club école? Ce que tu viens de dire, là, est-ce que, gars, c'est. Je te bench. Ben, je te bench, mais tu sais, écoute, parce que tu sors d'une blessure, tu sais, on voudrait te garder, tu sais. Je pense qu'il va croire ça. Ben, écoute. Tu penses que Scott Gomez va dire, c'est bon, c'est bon. Tu penses qu'elle l'envoyait à Hamilton, ça va être mieux. Tu sais, si Mathieu, il arrive un matin, puis il te dit, matin, je le sais, là, que t'es prêt à faire de la radio, t'as fait une chronique, t'es prêt, mais laisse donc faire. OK, puis si je dis. Laisse faire, là. J'ai des chroniqueurs en masse, maintenant. On n'a pas vraiment besoin de toi. Non, mais si on prend le même exemple, je dis à Mathieu, ben écoute, tu vas aller animer dans une école secondaire. Que tu sais? Ben, si c'est ça ou pas être payé, peut-être. Ouais, mais tu sais. Si j'ai de payer cher pour aller à l'école secondaire quand même, tu sais. Payer correct, mettons. Ouais, c'est ça. Convenablement. Si t'avais pas, mettons, de problème d'argent financièrement, je pense que Gomez est quand même à l'aise. L'autre chose qui peut être intéressante, par contre, si on envoie Gomez dans les mineurs, c'est une décision qui est pas mal finale. Parce que, premièrement, il va passer par le ballotage. À partir de là, c'est sûr qu'il va être peut-être repêché, mais il repêche le salaire aussi en même temps. C'est ça, s'il repêche Scott Gomez, c'est la moitié du salaire. Je pense pas qu'il va avoir une équipe qui va faire ça. Par contre, si Scott Gomez, on peut ce qu'on appelle j'ai pas le terme en anglais, mais les re-entry waivers, c'est-à-dire quand on remonte le joueur dans la Ligue nationale, doit repasser à ce moment-là par le ballotage. S'il est réclamé, le Canadien se doit de continuer de payer la moitié de son salaire. Est-ce que Gomez fait environ 7 Donc, millions par année? L'autre équipe paye... l'autre moitié. Ben là, ça devient plus... Donc, à ce moment-là, ça tombe avantageux par le Canadien parce qu'on va on va sauver 4 millions par année. Ça pourrait être intéressant, mais ça serait une décision qui, dans le cas de Scott Gomez, serait finale. Attendez-vous pas à ce qu'on le revoit à Montréal ensuite. Voilà, c'est fini. En même temps, est-ce que ça se peut que la pression, juste en terminant rapidement, est-ce que la pression à Montréal soit trop pour Gomez? C'est pas la pression, le problème. Là. Tu le vois-tu travailler? Ben, c'est pas la pression. En même temps, il y a plein de bons joueurs qui sont venus à Montréal et qui ne fonctionnent pas. Ouais, mais Scott Gomez, il ne travaille pas. Faut arrêter de le défendre puis des peut-être. Scott Gomez ne travaille pas. Je prends des cols bleus avant de prendre Scott Gomez. Pas sûr, moi. Non, des cols bleus, je dis le terme hockey, terme. Un Mowin présentement que je joue de l'excellent hockey. Fantastique, merci beaucoup. Je comprends rien. Merci. Quel charme. Ça me fait plaisir. À lundi prochain, 8h30. Toujours? Oui. Ouais. Analyse complète des sports. Là. De la fin de semaine. De la fin de semaine. Oui. Nous, c'est la fin d'Assemblage requis pour aujourd'hui. Notre beau petit spécial super épeurant d'Halloween qui était en majorité pas tant épeurant que ça. Mais quand même, il nous reste une dernière capsule, Le Diable dans tous ses états. Ça va être épeurant. Hein? Elle s'appelle Le Diable chez les Ursulines. On va se quitter avec ça dans quelques secondes. Sinon, soyez à l'écoute de l'émission demain. Qu'est-ce qu'on a demain mardi, François? Le même mardi, tu me prends un peu de cours, on dirait que je sais pas où j'avais Stéphanie Gagné, c'est pas grave. Ben oui, certainement. Stéphanie Gagné, c'est quand même ton plat favori. Oui, et Sébastien Dulude. Oui. Et on fait la revue du journal Zone Campus aussi. C'est vrai, on a un nouveau numéro. On va adorer ça demain avec le nouveau pavillon à la vie étudiante dans Zone Campus. Oui, qui s'en vient bientôt. Et assurez-vous de lire ce journal d'ici là et d'aller voir sur le nouveau blog lezonecampus.ca. À venir sur nos ondes, Melon Miel et Chou de Bruxelles à 9h, puis le Dîner de con à 11h avec Daddy Jean-Pierre. Ensuite, je serai de retour en rediffusion avec Les Palmarès c'est fou à 13h. Puis le Boudoir sera en direct à 16h avec de la musique émergente. Voilà, donc bonne journée. Merci. Joyeux Halloween, hein? Oui, joyeux Halloween, tout le monde. Oui, joyeux Halloween. C'est vous les dents. Je retourne mettre mon chapeau de Noël. Ouais. Est-ce que t'aimes mon chapeau de Noël, Nicolas? Parce que là, personne n'aime. Tu sais, quand je disais trouver un costume, puis quand il n'y avait pas vraiment pensé, là, chapeau de Noël. Ah. Mais Mathieu, il est pas fou, hein? Il dit je vais l'utiliser dans moins de 2 mois. C'est ça. Ben, c'est ça. Une dépense pour 2. Ouais. Une pierre à Bergeron. Pierre. Ok. Pas l'autre. Hein, quoi? Hein? Pierre qui roule, n'amasse pas moi. Oh! Ouais, Riche Solerie, elle va nous sortir de ce. Marasme. Oh, marasme. Oui, les mots aujourd'hui. Hein. Philanthropie pour un collectionneur de thèmes. Hein, puis... Marasme, c'est le bon terme. Là. Peut-être. Ah, j'imagine. Un sur deux. Deux pierres d'un coup. Ouais. J'aurais dit léthargie. Moi. Mais monsieur Olery. Ouais, ça va. Mais monsieur, je crois que c'est ce qu'on a de besoin. Et voici maintenant la série Le diable dans tous ses états, présentée par monsieur Régis Olery. Les origines du vampirisme. Bien que le terme vampire n'apparaisse en France qu'en 1746, c'est-à-dire et paradoxalement en plein siècle des Lumières, la tradition de revenants nocturnes assoiffés de sang remonte à la nuit des temps. Les psaumes de David y font déjà une allusion à peine voilée. Sauve-moi des êtres de sang qui sont aux aguets pour m'ôter la vie. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens. Le livre d'Enoch mentionne également des créatures qui boivent le sang des hommes. Les origines, donc très lointaines, du concept de vampire se nourrissent de plusieurs phénomènes. Premièrement, la crainte de l'inconnu que constitue la mort et de son stigmate palpable qu'est le cadavre. Le psychanalyste Sigmund Freud a écrit que c'est le cadavre qui a fourni la première notion de mauvais esprit. Le cadavre, symbole de mort mais aussi de ténèbres, d'obscurité et donc de nuit. Ainsi, c'est pendant la nuit que le cadavre, symbole possiblement revivifié, inspire de la crainte, car qu'il ait été excommunié ou suicidé, il revient pour régler ses comptes avec les vivants. Deuxièmement, le souvenir du comte Vlad Dracul pour les historiens, Dracula pour les cinéphiles, qui semait l'horreur en Transylvanie au XVe siècle. Dans la même veine, si l'on peut dire, le cas d'Erzsébet Báthory, comtesse hongroise du XVIe siècle, qui saigna à blanc près de 600 jeunes filles pour se repaître de leur sang. Troisièmement, la phobie des inhumations prématurées, qui s'exprime de plus en plus ouvertement dès le début du XVIIIe siècle. À deux reprises, le célèbre anatomiste français d'origine danoise, Jacques Bénigne Winslow, est sur le point d'enterrer vivant, ce qui l'incite à publier quelques travaux sur la question. En 1728, Michael Ranft confirme le phénomène de mastication tumulaire, et 4 années plus tard, paraissent plusieurs thèses sur le sujet, parmi lesquelles celles de Johann Christian Stock, Christopher Paul et Gottlob Hertel. Cette peur qui se prolonge au XIXe siècle amène l'Académie de médecine de Paris à instaurer en 1837 le prix Mani pour récompenser les recherches qui permettraient d'éviter les inhumations prématurées. Il faut attendre 1849 pour que le prix soit enfin attribué. Malgré cela, le dossier n'est toujours pas définitivement classé et le XXe siècle tremble encore d'apprendre, par exemple, qu'une étude menée en 1963 dans un cimetière américain révélait que 4% des personnes enterrées étaient en fait mortes d'asphyxie après l'inhumation. Le vampire apparaît donc comme le résultat de la convergence de phénomènes religieux, folkloriques, mais aussi scientifiques. Certains auteurs ont d'ailleurs rapproché le vampirisme d'une maladie de l'hémoglobine appelée porphyrie. Dans certaines formes cliniques, elle s'accompagne effectivement d'insomnie avec déambulation nocturne, de photophobie ou peur de la lumière, et de dépôts qui colorent les dents en rouge-brun et les rendent fluorescentes sous les ultraviolets. Mais ceci n'explique pas tout. Venez d'entendre une capsule de la série « Le diable à tous ses états » présentée par M. Régis Olery.